Alors, je reviens au début. Hop. Donc, vous savez ce qu'on dit? On peut trouver de tout dans un centre commercial. Si on cherche assez longtemps, on tombera sur un magasin qui vend ce dont on a besoin. Parfois, il vendra même des choses dont on n'avait pas besoin, mais qui s'avèrent soudain indispensables. Si un centre commercial devenait conscient et décidait de faire de cette idée sa mission, cela donnerait Green Down Mall. Son cœur trouve son origine dans le recoin d'un des plus importants centres commerciaux du pays. Né des désirs des clients, il a grossi et s'est nourri de leurs dépenses jusqu'à devenir assez large pour entretenir sa propre dimension de poche. Aujourd'hui, Green Down Mall est une entité à part entière, reliée à quasiment tous les centres commerciaux et grands magasins de la planète. Perdez-vous dans leurs couloirs, tournez au mauvais endroit, prenez un ascenseur inhabituel et vous finirez dans le Green Down Mall, sans aucun espoir de retrouver un monde qui ne serait pas couvert de néons. Tout est toujours lumineux ici et on entend constamment l'écho d'une mélodie jouée au piano de synthé dans le lointain. Les choses sont bloquées dans les années 80, la période à laquelle Green Down Mall est apparue. Tout est en plastique et semble à la fois flambant neuf et démodé. Le centre commercial détecte des nouveaux visiteurs en quelques minutes et se réarrange pour convenir aux soi-disant besoins de ses clients potentiels. En réalité, il se réarrange pour ses désirs propres. Ce que veut le centre est simple, que les visiteurs dépensent leur argent. Mais on ne peut jamais acheter trop, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas les garder ici pour toujours? Le centre ne comprend pas vraiment les besoins vitaux comme la nourriture, qu'il ne considère que comme un produit à vendre, ce qui explique le nombre de visiteurs morts qu'on rencontrera dans ses couloirs. Avec le temps, le centre a perdu de vue ce qu'il veut vraiment. Il continue de créer des magasins, des marchandises, mais ce n'est jamais assez, et les chargements qu'il a tentés ont souvent horriblement mal tourné. Dernièrement, ces magasins deviennent des versions distordues d'eux-mêmes, ou sont fermés pour des réparations qui n'ont jamais lieu, sans parler du nombre croissant de personnes et d'entités qui se sont installées dans le centre, et ne se sentent pas particulièrement concernées par ces intentions voraces. Aujourd'hui, seules des places hexagonales sont suffisamment stables pour accueillir les visiteurs. Et c'est vous qui êtes les derniers visiteurs en date. Voilà pour la petite présentation. Oh cool. Sympa. Vous allez incarner un groupe d'adolescents dans les années actuelles. Et vous avez récemment perdu votre meilleur ami. À en croire ses parents... Ouais, c'est pas cool. Hein. À en croire ses parents... Il avait passé beaucoup de temps au centre commercial local ces dernières semaines, à la recherche d'un objet très spécial. Vous avez creusé de votre côté et vous avez découvert que votre ami était convaincu qu'il y avait un accès à un monde parallèle dans lequel se cachait un autre centre commercial. Un passage qui lui permettait d'aller chercher l'objet qu'il désirait. Vous avez donc rassemblé vos affaires et vous êtes introduit dans ce centre pour essayer de trouver ce passage et essayer de retrouver votre ami. Alors vous allez créer vos personnages, donc ce sont des adolescents qui recherchent leurs amis, et vous avez trois traits à noter. Le premier trait, ça sera un trait de personnalité, donc par exemple obstiné, optimiste, passionné, ou je sais plus, enfin voilà, un trait de personnalité. Ouais. Le second trait, ça sera un trait scolaire, quelle est votre matière scolaire dans laquelle vous excellez par exemple pour votre personnage. Et le dernier trait, ça sera le loisir qu'il fait. Est-ce qu'il fait du breakdance, est-ce qu'il fait de la lecture de manga, est-ce qu'il fait du shopping, de l'escrime, etc., etc. Ou des jeux vidéo, je sais pas. Ouais. Aussi. Alors, l'ami, quel est notre lien à tous les deux? Parce que c'est vraiment ami-ami. Hein. Attends, vous êtes des ados. Lien. Les amis, c'est comme la vie, tu vois. Enfin, c'est à la vie, à la c'est mort. C'est mon quoi. Frère de cœur. C'est ça, quoi. Je veux dire, tu vois comment... Okay. Le pire, c'est que j'ai vraiment dit des trucs comme ça, ça fait mal. Bah, moi aussi. Je me suis même saigné pour mes frères de cœur. Moi, je le dis toujours, hein. En même temps, je le dis neuf. Eh ben voilà. Après, je dis ça, mais à l'internat, je me suis quand même fait deux potes. Je sais que... qui les potes. Du coup, un nom... D'ailleurs, si alors, vous attends. Voulez, vous pouvez jouer vous-même plus jeune, hein, si ça vous chante. Ah non, avec... non, sinon, vous aurez une cornicheuse, ça va être fun. Ouais, moi, vous aurez juste un mec trop con, c'est tout. C'est y a pas. Ah non, moi juste, j'étais une vraie chochotte, mais puissance 1000 avant. Maintenant ça va mieux, il y a eu la boxe entre temps, mais c'est compliqué la vie. Moi j'étais juste le mec sympa, mais pas pas moche, voilà. Sympa mais moche. Non, gentil, mais moche. Moi si on parlait du primaire, j'étais un mouton, je suivais les autres. C'était un pur mouton. Moi je suis non, spectateur, vraiment. Toutes mes années, c'est spectateur. Ouais. Bref. On peut imaginer que vous êtes plutôt collégien, enfin c'est à vous de voir, mais vous pouvez avoir 10 ans ou 12 ans par là peut-être. Au niveau du supermarché là? Ouais. Oh non, moi je préfère plus, genre t'as 15 ans, tu vois. Ok. Ouais, c'est vraiment l'âge con. Que 15 ans, ok, c'est ok, très bien. Tu fais des erreurs, mais en même temps t'as un semblant d'intelligence. Mais ouais. Okay. Irritable. Irritable. Ça va être sympa. C'est pour ça qu'il veut. Le pire, c'est que j'ai pensé à un de mes potes pour faire ça. Ah bah super. Ça, en fait, tu vois l'image et tu penses à ton pote. Ouais, il lui ressemble pas, mais il fait la même expression de chieur un peu. J'ai envie de mettre l'histoire, mais moi je suis une vraie quiche en histoire, alors. C'est alors, pas grave, c'est juste ouais. Pour. Tu pourras dire, ouais, je connais plein de trucs en histoire, donc je les utilise, quoi. Moi, okay. Je peux dire le mec au fond de la classe, mais qui participe, parce que c'est totalement moi. Non, parce qu'en fait, il faut une matière. Bah attends, déjà qu'on est en Amérique, hein, je suppose, parce que Grindelwald. Vous voulez, ça peut se jouer à Marseille, si vous voulez que ça se joue à Marseille. Hein. Non, c'est en Amérique pour le coup, c'est un peu plus classe déjà. Ça marche. Alors, en fait, Grindelwald, ouais, dans la présentation, bah ouais. En fait, maintenant, tous les magasins du monde, tous les supermarchés du monde peuvent être reliés à Grindelwald. Ouais, mais tu vois, aux États-Unis, ça fait vraiment. Parce que moi, je m'appelle Joshua Miller, ça me ferait du coup. Sinon, je m'appellerais. Ouais, j'ai pas de nom français. France. Ok. Alors attends. Le troisième trait, c'est quoi déjà, excuse-moi? Le loisir que tu pratiques. Ah oui, pardon. Ouais, bah le mec un peu. Le mec sportif. Non, pas le mec sportif. Le mec fort en langue. Ça va si je mets langue ou il faut que je sois spécifique? Non, langue vivante. Langue vivante. Ouais. Peut-être que t'es super fort en latin en fait, juste. Non, je suis super en français parce que du coup, si on est en Amérique, bam, ça aide. Ah, mais si tu mets langue vivante, c'est peut-être un peu plus générique, ça peut peut-être plus. Ouais, c'est moins spécifique. Langue vivante. Et enfin. Donc, une activité. Bah, du football américain, bien sûr. Non, ah bah non, j'ai 15 football. Ans, pas autorisé. Baseball. Ou soccer. Non. Un truc où tu fais des plaquages. Non, juste baseball, genre je suis le mec qui traîne avec le groupe des gens un peu cool, mais juste parce qu'il est gentil en fait. À l'extérieur, personne lui parle ou tu vois, il peut pas agir. En vrai, il est super gentil, mais il doit passer un peu pour un connard comme l'autre là, irritable. Oui, il est irritable. Et s'il est bon en histoire, c'est juste parce qu'il retient bien les choses, mais il sait pas réfléchir par lui-même. Il est un peu teubé. Ok. Je suppose que ça peut être fun. Irritable et teubé. Ok. C'est un radar. Moi j'ai fait un quelque chose de basique parce qu'il est. Mais j'ai envie de faire l'opposé d'un joueur que j'ai déjà joué et Cassie était vraiment calme et tout. J'ai envie de jouer un peu l'opposé du coup pour tester. Ça va. Après un truc qui ferait. Bah peut-être le. Ah, bah, il écoute de la K-pop. Non, il y a moyen qu'il danse de K-pop. Il peut écrire ou vu qu'il est un peu. Danseur de K-pop. Ouais, en fait, si ça se trouve, il a une activité mais qui demande pas du tout d'être irritable. Genre de la danse, ou pas du sport. Mais j'étais en train de réfléchir de la couture. Ouais. Parfait. Ça coupe complètement. Bon, bah, il aime coudre. Mais il le dit pas trop. Bah, non, bien sûr. Tu le dis pas. Mais comment s'appelle-t-il? D'Artagnan. Oh, un moustique, pardon. Oh, je l'ai éclaté à une main. Et équipement, c'est genre quoi? Eh bien, justement, maintenant, tu vas pouvoir noter tes équipements, c'est-à-dire ce que tu as dans ton sac à dos quand tu es parti rechercher ton ami. Donc, tu peux en mettre jusqu'à... Okay. tu peux en mettre jusqu'à 6, mais tu peux en te garder un ou deux de libre pour les inventer en cours de jeu. Ah. Tant que ça restera raisonnable pour un sac à dos. Ouais. Et pour ton personnage, bien sûr. Ça passe ou quoi ? Ben, totalement. Ok. Parce que du coup, vu qu'il fait du baseball, il en a toujours eu de... Une lampe torche. Bah, j'imagine que la batte de baseball dépasse un peu du sac à dos quand même. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah limite il la prend deux, trois fois, il la fait rouler dans sa main et tout. Tu sais, il se croit stylé, mais en vrai, c'est juste quelqu'un de gentil. Attends, lampe torche, ensuite. Il a 15 ans, des snacks. Et moi pendant ce temps, je vais tirer l'objet étrange pour chercher votre pote. Ok. Snack, très bien. Et ensuite, en quatrième, qu'est-ce que je prends ? J'avais tout le temps à bouffer, moi. Tu prends du matériel de couture au cas où ? Oui. Non, mais qu'est-ce qui... En vrai, au lycée, genre, j'avais toujours un petit kit de couture. C'est l'internat qui fait ça. Ouais, bah avec l'internat, il fallait que j'attende une semaine, sinon pour réparer le pantalon. Ah oui, oui. Bon. Ok, tu m'étonnes bien, wesh. Ouais, alors, j'étais prévoyante. J'avais trois trousses même pour dessiner. Bah, moi, j'avais vraiment... Ma trousse, elle était souvent vide. Il y en avait partout. Et mon sac était... je prenais tous mes manuels, mais pas mes cahiers. Mais moi... C'était horrible. Moi, c'est... j'avais tous mes cahiers, tous mes manuels. J'avais même des classeurs et... Enfin, je révisais pas plus que ça, mais j'avais toujours au moins 3-4 mangas et 3 trousses parce que t'as pas ton matériel de dessin. Celui que tu veux à cet instant-là, t'es triste. Donc j'avais toujours 3 trousses. T'avais un sac, mais Oui, oui, mon sac était hyper lourd du coup. Même les jours où j'avais rien, il était deux fois plus lourd, même du coup, fait que je m'occupe. Putain, la vache. Ouais, pour ça que j'ai mal au dos. Il y a une faute d'orthographe. Alors attends, des snacks. Et qu'est-ce que mon personnage pourrait prendre un peu. Le truc qui pourrait servir à rien, sauf dans une occasion extrêmement spéciale. Non, c'est pas d'idée. Il aime les langues vivantes, il est gentil. Y'a rien, y'a pas d'être, peut pas... Le bouquin du kit de la drague pour les nuls. Français-anglais. Français-anglais. Draguer à l'étranger pour les nuls. Carrément. Ok, je vais prendre ça. Draguer l'étranger. Après, c'est pas un trop gros dragueur, tu vois, il est gentil, mais c'est juste que du coup, comme il traîne avec le groupe de gens un peu cool, bah les gens ils viennent le. Tu sais, des filles, voilà, il a pas trop de problèmes. Ouais, ouais. Et il a eu quelques aventures durant ses vacances, du coup, ça a fait un peu le tour du bahut, tu vois. Oh. Il est déjà plus puceau ? Bah attends, on sait pas, justement, c'est que lui il le cache parce qu'il est trop gentil, il dit, mais non, mais. Justement, c'est... Mais non, selon l'histoire, non, il est plus puceau. Et c'est pour ça qu'il est toujours intégré dans le groupe de gens cool. Ok. C'est les gens cool, mais qui sont vraiment des connards. Genre, tu sais, ils vont te pousser. Ah, je vois très bien, ouais. Parler mal dans ton dos. Et lui, c'est le seul, ouais. Tu sais, il peut pas agir. Et pourtant, il est gentil, il aimerait bien les aider. Mais il peut rien faire. Sinon, il quitte son groupe de potes et il en a pas beaucoup des potes. Il est plus avec les cool après, sinon. C'est ouais. Ça, sauf Adam Smith et. Je sais pas, on peut l'appeler. Attends, deux secondes, je sais comment je vais l'appeler. Donc. Notre pote disparaît ? Alors, oui, d'abord. Et ensuite, comment ça s'appelle déjà ? Stranger Things. Je vais prendre un nom dans un église. Ah ! Si ça ne te dérange pas, clown. Pas du tout, pas du tout. Dustin ! Will Byers. Ah, ou Dustin ? Allez, Dustin. Dustin. Si tu mets Will, je vais gueuler Will toute la partie à cause de sa mère, comme à ce moment. Donc. Oui. Winona Ryder. Bah tu mets Dustin Ryder. Comme ça c'est. Ça fait un lien entre les deux. Ça marche. Dustin Ryder. Ryder. Ok. Et on lui met des traits de personnalité ? Alors on attend que Cécile ait fini sur son perso. Toi t'as fini ? Pardon, j'ai bugué mentalement. Bah c'est bon, fini moi. Ok. Ouais, tu te gardes deux cases de libre que tu pourras inventer au fur et à mesure. C'est ça. Mon téléphone, c'est bien. Ah, le reste, on peut l'inventer, les deux autres ? En cours de partie, tu pourras dire c'est ça. Ah, j'avais ça dans le sac. Ah, j'avais ça. Ouais, c'est bon, alors. Mais oui, parce qu'il essaye de garder une bonne image. C'est comme ça qu'il reste dans le groupe, parce qu'il est beau gosse, alors que c'est un gros râleur. Ah bah oui, du coup, t'as forcément ça. Non, il a un pull. Ah oui, d'accord. Ah, le mec est classe. Le mec n'utilise pas de nettoyant. Ouais. Non, mais le mec, il a de la cire à cheveux. Parce qu'il râle beaucoup, mais vu qu'il est beau gosse, il est accepté. Ouais, voilà, ça, c'est la personne, c'est le beau gosse au fond de la classe, un peu ténébreux. Ouais, alors qu'en fait, il est ridicule, mais c'est le emo. C'est le emo, mais il est ridicule. Et il cache à tout le monde qu'il aime faire de la couture et des rubans roses. C'est le Tchad, c'est le Tchad, c'est le Tchad du bahut. Tout le monde... Un peu, ouais. Wow, il est trop beau. C'est un homosexuel qui n'a pas fait son coming out avec lui-même. On peut le dire, mais il est un peu... Ah oui, oh, pas forcément, mais... C'est bon, Guillaume. Est-ce qu'il a conscience de son homosexualité? Ça serait encore plus drôle sinon, et du coup, il est hyper... hyper réticent par rapport à ça parce qu'il se le cache un peu. Il est gêné avec les garçons, il devient. Mais en fait, il veut pas l'accepter lui-même et du coup, c'est pour ça qu'il est hyper irritant, même si tu lui en parles, mais même gentiment, même ça, il est en mode non, j'aime pas les mots. Alors qu'en fait, il l'est, mais il s'en rend pas compte et du coup, il est vexé. Il veut pas s'en rendre compte. Putain, ça lui rajoute des problèmes. Bah ouais, c'est un jeune ado qui a des soucis. Normal quoi. Faut du drama quoi. Alors, vivement qu'on joue à masque pour le drama comme ça. Ouais, on s'entraîne. Ouais, c'est bien. C'est un petit début. On s'entraîne. Alors, attends, donc du coup. Alors, vous avez fini sur vos persos. Donc, après, sur l'ami, au niveau des traits, il n'y a pas besoin d'être comme vous, de faire des traits très spécifiques. Donnez-lui juste 2-3 traits comme ça. Putain, moi j'aimerais bien. Enfin, le perso. Tu sais, il nous a rapprochés tous les deux parce qu'en vrai, on n'a rien à voir ensemble. Mais ouais. Adam et moi. Mais c'est un peu le lien. Genre, il est hyper friendly. Il aime tout le monde. Ouais, il est pacifiste. Il est super avenant. Ouais, c'est un pacifiste, hyper avenant. Hyper friendly. Ouais. Il accepte tout le monde. Puis c'est un pote d'enfance, donc. Et ouais. De nous deux, donc voilà. C'est ce qui fait que du coup, on est potes, même si on est très différents. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui le caractérisent? On est dans le bahut, on traîne pas ensemble. Une passion, quelque chose comme ça. Tant qu'à faire, l'urbex, vu qu'il est venu là. Ah ouais, grave. Alors il est venu là parce qu'il. Les théories du complot. Ah, les théories du complot, ouais. Il adore ça. Urbex et. Théorie. Bah, attends, dans son truc où il est fort en cours, c'est l'urbex. Bah putain, j'aimerais bien avoir cette école. Hein. Bah non, parce que lui, il n'y a pas ça qui est déterminant. Ah oui, c'est juste tomber des trucs. C'est parce que de toute façon, il n'est plus à l'école. Mais la matière de ouf. Est-ce que... Trop bien, on a tous des urbex. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Ah, on lui met un visage. Image pour lui, ouais. Image, on va lui mettre la... Qu'il soit gentil. Ouais. Pas lui, Harry Potter. Moi, je voyais plus celui-là. Ça marche, il est hyper souriant, il a l'air sympa. Ouais, très souriant, très gentil. Lui, il a l'air de trop râler un peu. Enfin, bah, d'être sympa, mais j'aime trop le dessin d'ailleurs. J'aime trop le dessin. Ouais, il est super beau, je le trouve super beau. Ouais. Moi j'ai un peu plus de mal, alors celui-là ça me fait clairement pas penser à un ado. Il a fini l'université. Ou alors il est peut-être un peu. Il a redoublé plein de fois. Il est plus vieux, c'est genre l'ado, mais ça fait des années qu'il. Ou il a redoublé plein de fois en fait. Ouais. Il est là, ça fait 10 ans qu'il redouble. Ok, ça marche. Du coup, sur le côté, je vous ai mis des petits conseils. Vos personnages sont des très beaux et pas des explorateurs de donjons vétérans. Du coup, effectivement, vous êtes courageux et prêt à affronter peut-être des choses dangereuses, mais vous restez des ados, quoi. Vous allez découvrir des choses qui... des ados dans un monde normal, on va dire. Voilà. Explorez partout, fouillez partout. Ben parce que en fait c'est la proposition de jeu, donc si vous le faites pas, vous risquez de passer à côté d'un truc, de la proposition de jeu. Et puis si vous êtes curieux, ça sera récompensé derrière. Traitez tout ce que vous rencontrez comme des vraies personnes. Se battre est très dangereux et rarement une réponse appropriée. Et s'entraider mène à de plus grands succès. Pourquoi s'entraider mène à de plus grands succès? C'est là où on va voir la mécanique de jeu. En gros, globalement, vous allez explorer et tout, et puis par moment, quand il y aura un truc où on se dit « là, il y a un enjeu, en fait, si tu rates, ça peut être sympa ce qui peut se passer », on va jeter les dés. Ce qui va se passer, c'est que vous jetez un des 6, mais si sur l'action, par exemple, vous pouvez vous servir d'un de vos traits, ou d'un de vos équipements, ou... Peut-être que votre ami peut vous aider avec un de ses traits, un des équipements, on rajoutera un D6. Ah, okay. Et on pourra faire jusqu'à 4 D6 maximum. Oh la vache. À savoir que pour gagner, il faut avoir au moins un 5 ou au moins un 6. Donc avec un D6, tu as 2 chances sur 6 d'avoir un 5 ou un 6. Avec 2 D6, ça t'en a un peu plus. Ouais. Etc, etc. Donc ça, c'est la mécanique de base. Pas plus compliqué. Ah ouais, je vois ça. Elle est écrite, il y a le résumé des règles, voilà, sur la... au fond de votre feuille de personnage. D'accord. Est-ce que les blessures sont à la... un peu à la Monster of the Week, c'est... enfin, est-ce que les échecs sont à la Monster of the Week, en mode... c'est pas... il y a une répercussion, mais il faut que ça amène plus du scénario qu'autre chose, ou c'est vraiment un échec... Alors, oui. Il va se passer quelque chose de très mal. Alors, il faut que ça amène une répercussion. Le système, c'est que quand on va jeter les dés, c'est pas souvent déjà qu'on risque de le faire, mais quand on va le faire, en fait, il faudra qu'on détermine qu'est-ce qui se passe en cas d'échec et qu'est-ce qui se passe en cas de victoire. Mmh. Voilà, en cas de victoire, ça va être simple, puisque c'est ce que vous voulez faire. Et en cas d'échec, ben, il faudra que je vous dise ce qui se passe avant que vous jetiez les dés. Ok. Voilà. Quand vous avez une blessure, en fait, vous n'allez pas marquer une croix ou un truc comme ça, mais vous allez écrire la blessure. Par exemple, vous allez écrire bleu à l'œil gauche, tu vois. Ok. Ou griffure à la jambe droite, je sais pas. Et donc, vous pourrez en mettre deux en blessure légère, des blessures comme ça. Et après, ça donne une blessure modérée. Et ça veut dire que quand vous jetterez les dés, vous aurez moins un dé. Oh. Si vous êtes dans les blessures modérées, vous aurez moins de dés. Si vous êtes dans les blessures graves, vous aurez moins de 3 dés. Et si vous dépassez les blessures graves, vous allez mourir ou devenir un personnage de Grindown Maul que vous pourrez encore jouer. Ok. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont écrites. Ouais, les équipements, c'est en dessous dans le résumé des règles. Du coup, ouais, on peut vous enlever un dé en cas de blessure. Et en cas de confrontation avec un ennemi qui est plus puissant que vous. La plupart des ennemis sont plus puissants que vous, hein. Vous êtes des gamins. Oui. Sur les équipements, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est laisser quelques cases vides, et quand vous dites « Ah ouais, mais j'ai ça », vous lancez un dé, et si vous faites un 5 ou un 6, vous avez effectivement ça dans le sac à dos. D'accord. Vous aurez droit à plus de dés si vraiment dans la situation, ça paraît... cohérent que vous ayez ça, on essaiera de rajouter de la chance là-dessus. Si vous ramassez des objets dans le centre, ils sont très fragiles parce que le centre est bloqué dans les années 80. Et du coup, tout est en plastique. Un peu, c'est le début de l'ère du plastique, les années 80. Du coup, ils sont pas très solides. Si vous les utilisez, après les avoir utilisés, vous lancerez un D6. Et si ça fait un 5 ou un 6, l'objet se casse. Si avec les malus vous arrivez à 0 D ou à moins, en fait vous lancerez quand même 2 D6 et vous prendrez le moins bon score. D'accord, ok. Voilà pour les mécaniques de jeu. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est bon. Alors, au centre, j'ai mis un petit hexagone. Avec des sortes de petits couloirs au centre de la map. Je sais pas si tu y es, Cécile. Je vois, ouais. Ah, d'accord. Parce que je vois ton curseur, mais il était loin, alors je savais pas si t'étais... Mais en fait, je suis ici pour augmenter la carte ou la baisser dans l'angle. Ah, d'accord. C'est pour ça que mon curseur, il fait des allers-retours. Normalement, tu peux faire avec CTRL molette ou des trucs comme ça. Ouais. Hop là. Donc, voilà, vous avez l'hexagone. En rouge, ça sera des magasins. Et en vert, ça sera des couloirs. Des couloirs. Ok. J'ai commencé par là, j'aurais pu aussi ne commencer par rien du tout et vous le faire découvrir au fur et à mesure. Mmh. Ok, ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits modèles à côté, parce que petit à petit, on va construire la carte. Donc aux États-Unis, c'est bien ça, hein. Ah oui. Yep. Au Kentucky. Adam et Joshua, donc vous avez appris la disparition de votre ami et vous êtes allé... comment s'appellent les grands supermarchés aux États-Unis? Les Walmart. Les Walmart. Ah, oui. Vous êtes allé au Walmart du coin et vous avez cherché un peu partout. Puis vous avez trouvé un ascenseur. Un ascenseur que vous n'aviez jamais vu. Et vous êtes rentré dedans. Vous avez appuyé, il y avait un seul bouton, et vous êtes descendu. Enfin, vous aviez l'impression de descendre, en tout cas. Une descente assez longue. Quand vous êtes arrivé, en tout cas, quand l'ascenseur s'est arrêté, les portes se sont ouvertes. Un sting ! Et vous êtes arrivé sur une place hexagonale avec un damier vert et noir sur les murs, le sol et le plafond, qui donnait une sorte d'effet d'optique assez étrange. Quand vous regardez le sol, il est glissant comme s'il avait été lavé récemment. Et sur le côté, vous apercevez deux corridors qui mènent on ne sait trop où. Et un magasin qui s'appelle Choose Your Shoes. Et vous voyez une devanture du magasin avec une énorme chaussure qui doit faire la taille de deux humains. Une chaussure gauche qui est comme ça collée sur la baie vitrée du magasin. Ok, ok. Là, c'est à nous ? Ouais. Ok. Bien. Alors du coup, moi je suis... Waouh ! Waouh, la vache, c'est quoi ce... Oh, et je touche un peu le mur et je... Oh, wow. Eh, hey, putain, mais... Austin, avec ses théories du complot, il a... Putain, il nous avait pas parlé de ça, pourtant. Mais non, je crois pas. La chaussure ? Est-ce que... Celui qui la met. Non, mais du coup, tu sais, je suis... Mais la chaussure... Enfin, cette marque-là, je crois que j'ai un ami qui aime beaucoup les pompes, qui m'en a parlé, mais... Mais elle date... Elle date quand même d'il y a au moins une vingtaine d'années. C'est la Nike Air de Michael Jordan. Non mais tu vois, c'est... Genre, elle date des années 80, enfin c'est... Plus personne n'affiche ce genre de choses aujourd'hui. Je sais pas, donc, qu'est-ce que t'en penses ? Et je continue à toucher le mur. Tu remarques rien de particulier, c'est vrai que ça fait comme un effet d'optique, comme si c'était... Tu vois, comme si le mur était torsionné, mais en fait c'est juste parce que le damier donne cet effet-là, parce qu'il y en a partout, quoi. Mur, plafond, sol... Un damier noir et vert. Et le mur... Du coup, on peut marcher, là. Okay. Vous êtes au milieu, là. Hein. Vous êtes dans le... ici, là. Mais du coup, c'est pas des murs, on peut... Wow. Oui, non, mais je veux dire, il y a des murs autour. Genre, moi, je suis là, et je suis en train de faire le tour. Mais c'est surtout... Okay. Est-ce qu'il y a de la lumière ? Ou il faut qu'on mette la lampe ? Il y a une lumière très faible, mais tu y vois quand même. Si tu regardes au plafond, il y a trois néons. Trois néons qui font l'entièreté de l'hexagone, qui sont aussi longs que l'hexagone. Il y en a un qui clignote un peu, qui semble un peu comme dans les années 80, quoi. Il y en a toujours un qui est pété. Hein. Mmh. C'est vrai que ça fait vieillot. Ouais. Oh, mais je sais, attends, parce que peut-être qu'ils l'ont encore, du coup, cette chaussure. Et je vais me diriger vers le magasin. Ok. T'es sérieux ? Ok. Adam traîne les pas un peu, il le suit, il est en mode... Bon. Vous arrivez devant le magasin, vous apercevoir à l'intérieur un magasin qui semble ne pas finir, être très grand. Wow. Et à l'intérieur, il y a un truc assez étrange, c'est qu'il y a des chaussures quasi partout au sol et partout sur les murs aussi. Et ce n'est que, en tout cas c'est ce que vous arrivez à voir par la baie vitrée, ça n'a l'air d'être... que des chaussures gauches. Il y a l'air de pas y avoir de paire, en fait. Vous voyez, vous êtes toujours à l'entrée du magasin, je sais pas si vous êtes rentré encore, mais vous voyez quelqu'un qui ressemble... Enfin, il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur, au fond, qui est en train de fouiller. Vous voyez des chaussures voler un peu. Oh. Voilà. Ah, cherche ton pied. Je vais ouvrir la porte. Je suppose que c'est une baie vitrée, bah oui, du coup... Ouais, il y a une petite porte avec un petit gling-gling. Je vais pencher ma tête délicatement tout en ayant les pieds à l'intérieur, puis je vais commencer à marcher. Je vais commencer à voir si les chaussures, elles bougent, si du coup je les fais bouger. Enfin, genre, est-ce que je peux les prendre ? Ah, tu veux prendre des chaussures, les regarder, les observer ? Ouais, je vais en prendre une, je vais mettre ma main dedans pour voir si ça marche. Puis après, je vais faire une blague à Adam où je vais taper des mains avec mes pieds et je vais mettre à quatre pattes en mode j'ai quatre pattes. Okay. Puis après, je vais me relever et je vais faire « Mais putain, elles sont que de la gauche !» Bah du coup il en aura qu'une seule de gauche et je vais la mettre dans mon sac. Tu prends une chaussure gauche et tu la mets dans ton sac. Et ouais, du coup je le note. Ouais, tu le notes, ouais. Là il y a l'homme qui est en train de fouiller, qui semble vous avoir remarqué être entré dans le magasin. Et qui se relève d'un coup et qui fait « Ah ! Est-ce que vous avez trouvé leur sœur ?» Mais écoutez, je me posais la même question. On les regardait, mais on n'en voit pas. Eh bien, je ne sais pas où sont passées leurs sœurs. Et ça me dérange vraiment. Et vous voyez l'homme qui se lève, c'est un adulte. Il a un visage assez fin, assez, comment dire, presque un peu creusé au niveau des joues. Il a peu de cheveux. Et ce que vous remarquez très vite, c'est qu'il lui manque une jambe aussi. Il lui manque la jambe gauche. Ah bah ça doit pas être très pratique. Pardon. Tu parles trop vite. Comment ? J'ai ma main devant ma bouche pour, en mode croix pour faire merde. Et c'est très irrité. De ne pas trouver des paires de chaussures pour les vendre, c'est compliqué. Ah oui. Mais je cherche leur sœur depuis des heures, hein. Sans résultat. Merci. Vous voulez peut-être acheter des chaussures gauche ? Elles sont très bien, vous savez. Oui, les acheter, bah oui, bien sûr, j'en ai pas du tout mis une de moi. Ouais. Oui. C'est que vous êtes le vendeur ? Exactement. Adam, je crois que j'ai voulu une chaussure. Ta gueule. Ok, pardon. Vous voulez bien m'aider à trouver leur sœur ? Oui, bah... oui, tout à fait, on va essayer de trouver leur sœur. Bah, allez, allez au fond du magasin, je suis sûr que vous trouverez sans doute mieux que moi. J'ai du mal à marcher depuis quelque temps. Ah, oui, ça... d'accord, reposez-vous. Il est chelou. Ouais, il est super bizarre. Bon. Les sœurs ! Où sont les sœurs ? Là, on fait demi-tour. T'es sûr ? Bah, j'ai volé une chaussure, donc j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai pris 2-3 petits dollars sur moi, mais j'ai pas... Le portail, en même temps, il a qu'une seule jambe, il pourra pas nous rattraper. Merde. Que faites-vous ? Chercher, au cas où, je vais passer un coup d'œil, voir si je trouve une chaussure droite en allant... Ouais. En me dirigeant... Faire au moins semblant de chercher, Faire un peu, mais en le gardant à l'œil de loin, là, en le regardant de loin en même temps. Mais c'est pas loin. Plus vous avancez, et plus il semble que le magasin s'allonge encore. Bah viens, on fait demi-tour, on lui dit qu'on n'a pas trouvé, parce que là, ça me paraît bizarre quand même, c'est assez impressionnant. Wow, vous avancez, ouais. Vous avancez. Dire qu'on cherche dans la boutique. Ouais. Vous arrivez quand même au fond de la boutique, enfin, vous n'êtes pas encore au fond, mais vous arrivez à avoir une porte au fond. Et tout autour de la porte, c'est comme si les battants étaient faits en chaussure gauche. Oh. Il y a la sainte chaussure droite derrière, ça. Que faites-vous ? On y va, ou... Ouais, enfin, je prends ma batte de... Je sors ma batte de mon sac, je la tiens fébrilement en tremblant un peu et je vais avec pousser les portes tout en entrant avec du coup la batte. Tu sais, en entrant, il y a quelqu'un. Tu veux. Alors, la porte est fermée à clé. Ah, du coup, je bloque avec ma batte et je dis il y a quelqu'un. Ah bah non, c'est fermé. S'il nous a dit de venir voir là, peut-être aller revoir l'estropié. Attends. Est-ce que je peux... Ça ressemble à une porte. Oui, tout à fait, c'est une porte. C'est juste les battants qui sont faits en chaussure gauche. Et elle est baie vitrée ou c'est une porte normale ? Une porte en bois. Tu peux pas voir à travers. Tu peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais prendre ma batte et je vais faire... Adam, va falloir que tu fasses du bruit. Et je vais taper sur la poignée pour essayer de la casser. Au pire, j'ai des... comment dire ? Je me suis retrouvé avec les affaires de ma sœur et... Bref, en gros, j'ai une aiguille. On peut essayer de l'ouvrir, de la crocheter peut-être. Plus discret, non ? Je regarde Adam en 2 secondes, avec des yeux, et... C'est ma sœur, wesh. Je tape dedans, quand même, et je fais, pas le temps. Alors, il est trop con. Ça mérite le premier petit jet. Oh yes, c'est toujours moi qui fais les premiers jets, mais je fais des actions débiles. Alors, il faudrait savoir combien de choses vous utilisez pour savoir combien de dés tu vas... Baseball, tu vas utiliser. Bat de baseball. Donc pour l'instant, t'as... 2 dés alors, 3, si tu utilises... Ouais, du coup, 3, ça fait 3, du coup. Ça fait 2. Non, c'est 1d6 plus un objet, plus... Ouais, un, plus un, toutes les choses que tu veux. Du coup, t'as pas vraiment de circonstances avantageuses. Tu utilises la batte de baseball. Ça fait 2d6. Est-ce que tu as un trait qui peut servir ? Bien sûr, baseball. Je sais comment manier une batte. Ok. Donc, 3d6. Est-ce que... Attends. Est-ce que Adam a moyen de t'aider éventuellement, peut-être ? Non, t'es allé trop vite. Non, j'ai pas... Non, là, il a pas demandé à Adam. Je lui ai juste demandé de faire du bruit, mais en même temps, l'autre alors, a une seule jambe. Alors, Joshua ? Pardon ? Donc, oui. mon rôle maintenant, c'est de te dire, avant que tu lances les dés, quel est l'échec que tu risques ? Pardon, vas-y. Donc, si tu réussis ton jet de dés, tu pourras ouvrir la porte, ça fera un petit bruit, mais tu seras plutôt discret. Et tu pourras sans doute ouvrir la porte. Si par contre tu rates, là il est fort possible que John, l'unijambiste, t'entende et ne soit pas très content de voir ce qu'il voit. C'est pas grave, bah, reculé, hein. Allez. Oh, yes. C'est bon, tu as un 5. Hein. Tu as un 5. On voit, ah, ça m'a l'air chaud. J'ai eu si chaud. Oui. Ok. Ok. Pardon, donc... Et là, c'est un... Oh, mais fais nous foutre dans la merde, toi, là. Pardon. Et là, je vois la porte qui fait... Et pendant qu'il m'engueule, tu sais, je fais... On regarde la porte. Et j'avance à petits pas. Du coup, Adam dit plus rien, mais il fait un regard avec des meurtrières à la place des yeux tout serrés, comme ça. Il le fixe. Il est en mode... Ouais. Je me sens pas bien. J'ai pas l'habitude d'être aussi violent d'habitude, donc... J'ouvre la porte. Et là, vous tombez sur une réserve de chaussures droites. Au milieu, comme un tas, imaginez que vous êtes, vous voyez, un peu comme des catacombes avec tous les ossements, là. Et bien là, c'est des chaussures. Comme des catacombes avec des chaussures droites partout. Et au centre, une chaussure gauche par terre, avec comme un écart entre elle et les chaussures droites. Elle est vraiment au centre de ce petit cagibi au fond du magasin. Et vous avez l'impression qu'elle pleure. Oh non. Bah vas-y, hein, je te laisse. Donc moi je vais regarder autour, je vais prendre deux chaussures droites. Je vais en mettre une dans mon sac et en préparer une pour John l'unijambiste. Du coup Adam, il va voir la chaussure. Attends, la chaussure, moi, j'ai des paires de chaussures. La chaussure, t'as l'impression qu'elle elle est au milieu comme ça de la pièce, il n'y a pas d'autres chaussures autour d'elle. Et tu as l'impression d'entendre, de voir des gouttes tomber le long du bout des lacets, comme des larmes. Et tu entends un petit bruit. Joshua. Ouais, moi je suis en train de me servir dans mon sac. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il y a une chaussure qui pleure. Adam, tu... T'es sûr de toi, là ? J'ai rien fumé, je te prends. Ouais, ok. Mais regarde, elle pleure. Et du coup, il prend la chaussure, il la soulève, il lui montre. Quand tu veux, pour prendre la chaussure, elle est collée au sol. Et elle est assez dure à... T'arrives pas à la prendre, en fait. C'est Excalibur des chaussures. Hey. Du coup, je me baisse et de façon ironique, hein, bien sûr. Hein. Je vais lui parler et faire... Bah alors, ma petite chaussure, qu'est-ce qui va pas ? T'arrives pas à trouver chaussure à ton pied ? Oh, qu'il est con. Mais en regardant Adam, après, elle fait... Bah tu vois, elle me répond pas. Tu entends un petit reniflement. Et, Là, mes yeux se... Hein ? Adam, toi qui avais encore la chaussure dans les mains, tu sens que ça se décolle un peu du sol. Oh ! Elle a bougé ! Elle a bougé ! Elle a bougé ? Attends, ouais. Comment ça, elle a bougé ? Non, c'est... Elle se décolle, oh. Elle est plus légère. Vas-y, parle-lui ! Je vais tenter de la caresser, tu sais, le bout. Tu sais, j'imagine que ça ressemble à des converses, et donc du coup, je caresse le bout en plastique. Le bout en plastique, je fais, bah, ça va... j'ai jamais été gentil avec une chaussure. Tout va bien aller. Mais t'es toujours gentil, vas-y. Oui, mais pas avec les chaussures. Tout va bien aller. Souris à la chaussure. Est-ce qu'il y a eu un vrai problème ? Oui, je vais faire un sourire sincère. Mais toi, je te regarde et je fais, mais c'est incroyable. La gentillesse de Joshua semble marcher. En tout cas, Adam, tu sens que la chaussure... arrive à se décoller complètement et tu l'as prise dans les mains. Elle est dans tes mains. Elle semble avoir... Tu n'entends plus le bruit de pleurs. Les larmes ne coulent plus du bout des lacets. Tu l'as consolée. Bah attends. Je vais juste lui demander. Je sais pas si elle peut me répondre. Chaussure. Si l'un d'entre nous te porte, est-ce que tu seras heureuse ? Ah oui ! Oh, quelle joie. Vous venez d'entendre une chaussure parler. Si on nous demande, on sait pas ce qu'on a vu. Attends, t'as l'air d'être proche, tu veux la mettre ? Petite chaussure, tu veux juste marcher ? N'importe qui ? Trouvez-moi ma sœur. Oh. Oh merde. Oh, je sais ! C'est John ! Ah, mais il manque une jambe. Mais à la rigueur, on va le voir, lui qui cherche la sœur de la chaussure. La sœur des chaussures, il va être très content. C'est une chaussure gauche, mais peut-être qu'il trouvera la chaussure droite dans cette pièce, finalement. Bah non, du coup, maintenant, il va la chaussure droite... Ah, putain, mais c'est quoi ce... C'est une chaussure gauche qu'on a. Elle ressemble à quoi, gauche, ta très mignonne chaussure. Et qui parle, certes. Chaussure, on va t'appeler Robert. Robert, c'est quoi... Ah non, moi c'est Géraldine. Ah, tu vois. Ouais, bah quoi, tu vois, comment je pouvais savoir qu'elle avait un prénom. Ouais. Géraldine. Oui. Comment es-tu... Ta sœur, elle ressemble... non, bah non. Comment on fait la chaussure? Ah non, drague la chaussure. Drague la chaussure. Quoi? Mais je sais pas draguer, moi. Chaussure. Eh ben, t'as du mal avec les filles, toi. Hein. Alors, je te permets pas, d'abord. Mais... Ah non, mais comment ça m'énerve, la chaussure. Je suis désemparé, bon. Qu'est-ce que je fais? Bon, du coup, je prends la chaussure. Je la tiens un peu par les lacets, un petit peu à l'âge. Je suis en mode... Où est ta sœur? Ah, toi, Adam, tu sais parler aux filles. Ça, j'aime ça. Alors, ma sœur. Oh, elle doit être dans ce bric-à-brac. Je la cherche depuis longtemps. Elle est aussi collante que moi. On peut faire des choses merveilleuses, toutes les deux. Je vois. Chaussures. Est-ce que toutes les chaussures sont comme toi? Oh non, je suis une chaussure bien spéciale, moi. Je m'appelle Géraldine. Mm-hmm. Et ta sœur, comment elle s'appelle? Ma sœur, elle s'appelle Géraldine. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Ah bah oui, tu m'étonnes. Elle est dans le bric-à-brac qui est là-dedans, là. Ben, je crois bien. En tout cas... Est-ce que c'est des... Alors, c'est des pleins de chaussures qui sont alignées? On peut l'appeler, peut-être. Ou c'est par terre, c'est un tas? C'est par terre, c'est un tas. C'est un tas, ouais, mais c'est comme si ça dégueulait des étagères. Donc, il y en a par terre, il y en a sur les étagères, ouais. Géraldine, okay, Claude Amis se met à crier Géraldine pour essayer de... Je vais savoir aider à chercher... Si elle répond. Quand vous criez Géraldine, l'unijambiste se trouve dans l'entrebâillement de la porte. Vous regarde avec un air... Waouh! Plein de chaussures droites. Mais vous avez trouvé! Vous avez trouvé! Mais c'est magnifique! Adam, c'est magnifique! Monsieur, comment vous... John, c'est ça? John, c'est bien moi. Monsieur le vendeur, tenez, je l'ai récupéré spécialement pour vous. Une chaussure droite. Oh! Mais je vais pouvoir réachalander mon magasin. C'est magnifique. Merci. Mais et il commence à te prendre dans les bras et à te faire des bisous d'un coup. Oh, wow. Je m'écarte et je fais, c'est pas contre vous. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus autorisé, ça. Je suis désolé, l'émotion. Ouais, oh, l'émotion. Ouais. Ah, vache, t'as pas du gel hydroalcoolique. Ah bah non. oui. Ah, oh, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, vous savez quoi? Je vais peut-être vous acheter une chaussure gauche. Peut-être que si vous me la trouvez plus loin dans... Vous voulez qu'une chaussure? Mais je vois que vous avez deux pieds. C'est un faux. Le droit est... Je suis comme vous, je suis unijambiste. Mais bah, du droit. Ça se voit pas. Oui, mais aujourd'hui, on a des... Alors... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont... Bien du futur. Vous venez du futur? Et de quel futur? Parce que... Alors... Bon... Ça va être compliqué. Adam, t'es plus chaud de trouver Géraldine. Oui. Pendant ce temps, Adam, tu cherches donc Géraldine en l'appelant? En l'appelant et en soulevant des chaussures par-ci par-là, essayer de trouver dans une qui ressemble à Géraldine, du coup. Qui serait aussi pipelette. Aussi pipelette que Géraldine. Et... Ok. Mais est-ce qu'il y a un trait ou quelque chose qui pourrait te servir dans cette recherche? À trouver Géraldine. Ouais. Ou un trait d'un ami. Par exemple, tu as pu prendre la lampe torche ou la langue vivante. De... il parle de chaussures. Ah merde. Moi, je distrais l'autre. Là. En fait, je lui explique le futur, mais avec des chaussures. Je lui fais alors ça maintenant, c'est là, ça, et ça correspond. Et bref, il essaye de voir s'il n'y a pas un petit rangement, enfin une façon dont les chaussures sont un peu classées, telle étagère, telle année, telle étagère ou quoi. Ah, peut-être qu'avec les dates, comme il est bon en histoire, ouais, il essaye de classer un peu, essayer de trouver s'il n'y a pas des zones un peu. C'est ça, parce qu'en fait, c'est pas... il est comme tu disais, il n'est pas intelligent, il est plutôt trébucheur en fait. Ouais, il est pas intelligent, c'est juste qu'il retient bien les choses. Alors du coup, c'est pour ça qu'il est bon en histoire. Il se souvient juste que telle date, telle chaussure. Ok, bah, je te propose de lancer 2d6 alors. L'idée, c'est que sur une réussite, tu trouves Géraldine. Sur un échec, tu fais une mauvaise rencontre. C'est pas Géraldine. Ça sera pas Géraldine. C'est pas Géraldine. Ça sera une grosse chaussure. Ça sera peut-être Jean-Mimi, tu vois. Jean-Mimi, la chaussure. Comment ça va? Jean-Mimi, le Rangers. J'aime bien les pieds. Oh non. Géraldine, qu'est-ce qui se passe si on retrouve ta sœur? Ben, on pourra vous servir. Vous savez, on colle bien toutes les deux. Avec vos genoux, on va partir très loin. Bon, ça marche, je vais essayer de trouver ta sœur. Ah, merci. Et pitié, pas de jeu de mots après. C'était pas un jeu de mots. Hein? Bon, du coup, il essaye de trouver les chaussures. Ok, vas-y, je t'en prie. Aïe. Ah. Salut, Jean-Mi. Que ça? Alors, en fouillant et tout, comme ça, en passant tes doigts dans les chaussures, à un moment donné, tu sens une morsure sur tes mains. Et c'est Jean-Mimi le Rangers. C'est une chaussure qui vient de te mordre la main, et donc tu vas prendre une blessure légère et avec morsure à la main. Donc tu peux écrire morsure à la main. Oui, je me suis fait mordre par une chaussure, par Jean-Mimi. Jean-Mimi. Jean-Mimi le Rangers. Tu pousses un cri ou Aïe! C'est quoi cette chaussure? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait mordre par une chaussure. J'ai mal à te croire, mais... Vous voyez là... Regarde ma main! Et du coup, il lui pose la main vraiment devant la tête en mode « Regarde, ça saigne !» Et pendant ce temps, il y a Jean-Mimi le Rangers qui est la chaussure dans le tas de chaussures qui semble ouvrir la bouche et qui semble avoir des grosses dents comme ça et qui fait... Il ouvre la bouche et il dit « Putain de bordel de merde! Laissez-moi manger tranquille! J'allais bouffer Géraldine !» Oh wow. Ok. Monsieur John, vous pouvez repartir, s'il vous plaît? Ah, mais non! Vous avez enfin ouvert ma... Enfin, comment dire, c'est l'endroit de toutes les découvertes, là. Et c'est ici, je vais pouvoir refaire toutes les peurs. Je vais pouvoir réachalander tout le magasin. Et j'aurai plein de clients, je vais faire plein d'argent, ça va être génial. Oh, et puis celle-là, elle peut aller plus loin. Et puis il commence à prendre Jean-Mimi le Rangers et puis il le jette plus loin, comme ça. Ah là là, j'en ai marre de ces chaussures-là qui prennent vie tout le temps. Et il commence à ramasser plusieurs chaussures droites et à la ramener dans son magasin. Ah, c'est pas... Du coup, je regarde là où il y a Jean-Mimi, voir s'il y a Géraldine à côté qu'il allait bouffer. Tu vois Géraldine à qui il manque un bout de lacet, effectivement. Elle a déjà commencé à être mordue. Et ton autre Géraldine que tu as dans les mains, Géraldine gauche, s'exclame. Ah, Géraldine, vite, vite, prends-la, s'il te plaît, Adam, prends-la. Bon, bah du coup, je la récupère, je le mets à côté. Ok, tu les as les deux dans les mains. Ouais... Bah, avec ton kit de couture, tu peux pas la réparer? Réparer un des lacets ou en changer un? Tu dois bien voir du fil. Oui, mais après, t'oublies que je sais coudre. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, et du coup, il va se mettre à réparer la... Ok. Ouais, pas besoin de G, hein. Tu répares la chaussure. Je répare la chaussure, alors, comme ça, sont contentes. Tu sais coudre. C'est pas ma faute, on m'a obligé. C'est pour ma sœur. Ouais, carrément. Ose en parler à qui que ce soit, je te tape. Ok, pardon. Non, mais j'en parlerai pas. Du coup, les Géraldines, genre, on les quitte comme ça? Bah, du coup, je les garde, je les emmène, elles sont sympas. Tu les prends avec toi, tu les mets dans ton sac à dos, qu'est-ce que tu en fais? Non, je veux pas les mettre à mes pieds. Non, mais je les emmène avec moi, du coup, si elles ont envie. Elles ont envie de promener, de voyager. Je les mets dans mon sac, du coup. Et tu sais qu'on les accroche à mon sac, comme ça, elles peuvent voir. Ok. Ouah, j'ai très hâte. Bien. Vous repassez devant John, qui est en train de s'affairer à ranger des chaussures droites avec des chaussures gauches. Il les caresse, il les bichonne, il est en train de de chantonner, il a l'air super content. Il est en train de tout réachalander dans son magasin. Et il vous voit passer et puis Adam, il t'arrête et il fait « Hé, vous avez oublié de payer ?» Pour Géraldine. Ouais. Eh ben, vous êtes mes premiers clients, c'est gentil. Et puis il a un grand sourire et tu vois bien qu'il attend que tu fasses un truc, quoi. Que tu sors de la thune. Je vais lui en donner quand même parce que j'ai pas envie de vexer un autre. Combien tu lui donnes? À l'époque c'était moins cher, du coup je lui donnais une vingtaine de dollars. Il regarde les billets comme ça, il les soulève un peu, il a mais... Ah oui. Ah, mais il y a certains ici qui utilisent ces billets. C'est pas vraiment la monnaie locale, mais je vais faire avec. Et il le range dans sa poche. Pour l'utiliser. D'ailleurs, est-ce que t'aurais vu d'autres personnes, notamment des personnes qui utilisent cet argent, passer ici? Ah, j'en vois de temps en temps, mais ils sont pas aussi aimables que vous. Vous auriez pas vu un jeune homme récemment? J'en vois de temps en temps. Il ressemble à quoi? Comment le décrire? Il est plutôt gentil, plutôt aimable. Il est brun. Très souriant. Très souriant, un grand galet. Avec un assez long cou et des épaules assez bien... C'est vrai qu'il est bien bâti, Dustin. Hein. Il a des épaules assez courtes, mais elles sont quand même bien bâties, c'est vrai. Ouais, il a une... Ah, toi, il fait de l'urbex. Et il était chaussé avec quoi? Ah, ah putain, qu'est-ce qu'il a comme chaussures? C'est vrai, lui, il m'en avait parlé en plus. C'est lui qui m'avait parlé de ses super chaussures, là. C'est pour ça que j'en ai pris une boule de bois. Alors, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Des chaussures, il avait des chaussures du futur, comme je vous ai expliqué. Ils sont beaucoup à avoir des chaussures du futur, hein, les jeunes qui passent par ici. Vous n'avez pas la marque? Si, c'était des Nike Air Jordan. Ah, je vois. Oui, oui. Il est passé il y a deux jours. Ouah, deux jours. Vous savez où il est parti? Avec son moment de disparition. Ça concorde, ouais. Ouais, ouais, ça concorde. Et bah, il est parti, je crois, par là. Je sais pas, j'étais dans les chaussures, je me rappelle plus. Puis il vous indique le corridor de gauche, mais sans grande conviction, quoi. Waouh. Écoutez, merci beaucoup, John. Au revoir, monsieur. Au revoir. Avec, avec plaisir. Ok. Alors, on va discuter là, de ce qui vient de se passer. Oui, maintenant j'ai des potes chaussures. C'est ah, nous, on est Géraldine. Ah, ça me fait peur. Bon, moi de toute façon, il m'a pas cramé avec la super paire de chaussures et puis bah ça fera plaisir à ça fera plaisir à Dustin si je lui offre juste après. Du coup, on va à gauche. Attends, excuse-moi. Je vais nettoyer un peu ma batte de baseball qui a pris un petit peu cher en éclatant la poignée au niveau du haut avec un petit mouchoir. Et je vais... Bon, je pense que je vais m'en servir un peu plus que d'habitude. Je vais la garder proche de moi. Ouais, fais ça. Bon, peut-être partir à gauche vu qu'il nous l'a conseillé, non? Il est peut-être pas le plus fiable, ouais. Mais c'est la seule source qu'on ait. Bah, pas le plus fiable en même temps. Alors... Rentre à gauche. Ok, ok. Du coup, il y avait un truc que j'avais oublié de parler, c'était comment soigner les blessures. Ah. Puisque Adam, tu as eu une blessure. Donc pour guérir d'une blessure légère ou modérée, vous devez vous reposer une dizaine de minutes à quelques heures. Ça dépend selon la blessure. Vous pouvez vous reposer là où vous voulez. Quand vous vous reposez, je fais un jet moi aussi sur une table de rencontre et il peut y avoir des choses qui se passent. Bah on se repose du coup peut-être. Tu sais, je remarque enfin sa blessure et je fais « Oh, attends, je vais déchirer une partie de mon sweat et je vais bander la main d'Adam afin qu'il rougisse face à cette action un peu romance. » T'étais pas obligé de le déchirer. Oh non, t'inquiète pas, c'est un vieux sweat, y'a pas de problème. Tu veux qu'on se repose deux minutes? J'ai vu que t'avais quand même pas mal saigné. Pourquoi pas. Au loin, dans le couloir... Faire des traces de sang. Pendant que vous vous reposez, au loin dans le couloir, vers la direction où vous dirigez, vous voyez quelqu'un qui semble avoir votre âge et qui tague quelque chose sur le mur. Il vous voit d'un coup et il se barre en courant. Hé, hey, toi là! Et je vais courir. Tu cours et tu arrives à... J'imagine que Adam aussi. Ah oui, oui. Adam, tu pourras enlever ta blessure. Ouais... Adam se méfiera des chaussures, moi. À part Géraldine. Sauf les Géraldines. Les Géraldines sont cool. C'est les Géraldines en même temps. Alors, vous courez et vous arrivez dans une nouvelle salle, une nouvelle place hexagonale. Vous voyez sur le côté quelque chose qui a été tagué par le jeune garçon. C'est, je vais vous le montrer. Hop. Ça ressemble à ça, qui est tagué sur le mur. Deux cercles, un jaune et un bleu, tagués sur le mur. Et là, je vais donc générer des magasins et des corridors. Bah, c'est parti. Ok. Ah, alors. On le retrouve pas là, le gosse. Là, pour l'instant, non. Il est parti trop loin, trop vite. Il est parti assez vite, ouais. Non, vous avez juste trouvé le tag qu'il a laissé. Alors là, ouais. Sur un mur. Est-ce que c'est une quelconque lien historique ou... Non, je pense pas. Donc, deux magasins et trois couloirs. Alors, on va mettre deux magasins et trois couloirs. J'imagine... Je fais ça à l'arrache un peu, hein, parce que... Ok, on est là. Voilà, donc vous arrivez sur une place comme ça, et maintenant pour les magasins. Ok, du coup, vous arrivez sur une place avec toujours au sol ce damier vert et noir, que ce soit sur les murs, le sol, le plafond, qui donne toujours cet effet d'optique un peu étrange de distorsion. Sauf que là, au centre, il y a aussi une fontaine en plastique vert. Et il n'y a pas d'eau qui coule, mais il semble y avoir de l'eau dedans. Disons qu'elle n'est pas en fonctionnement. Il y a deux magasins et trois couloirs. Il y a un magasin qui s'appelle Arcadouille. On dirait des jeux d'arcade des années 80. Et un autre magasin avec devant une sorte de petit présentoir en tourniquet avec des cartes de vœux. Ça a l'air d'être un magasin de cartes de vœux. Et bah... Moi du coup, je sais pas, mon personnage regarde un peu Adam, il a tendance à un peu se laisser un peu en mode mouton de temps en temps, et là maintenant que l'émotion lui est passée, il s'est rendu compte que c'était trop bizarre. Je regarde Adam en mode on fait quoi, c'est... Moi je regarde la fontaine et je fais, ça a l'air assez intriguant. Tu t'approches de la fontaine, et au fond de la fontaine, tu remarques plein de pièces, mais d'une une monnaie que tu ne connais pas. On dirait des pièces vertes. Voilà, mais et pas coup, vraiment. J'en avais pris une pour la regarder, mais du coup j'attendais. Ok. Si je la prenais, ça faisait un truc. Excusez-moi. Alors non, tu prends la pièce. Il se passe pas rien d'anormal en tout cas. Tu vois la pièce et dessus il y a écrit Green Down Mall. Ouais. D'accord. Et bah du coup, je regarde du coup Adam et je fais. Tu penses que c'est la fameuse monnaie dont on parlait de parler l'autre. L'autre. Ah, John. Ah oui, probablement sa monnaie étrange. Qu'est-ce qu'on fait? On la ramasse parce que si c'est dans une fontaine, peut-être que c'est pour la donner. C'est vrai, mais peut-être que si c'est comme chez nous, à jeter des pièces pour faire des vœux, ça serait vraiment mal vu. Et... Bah ouais. Les Géraldines. Oui. Ah, ça me fait toujours bizarre. on vous achète souvent avec des pièces comme ça? Lui, on l'aime pas, ce Joshua. Ah oui, t'as raison, Géraldine, on l'aime pas, Joshua. Il est plus sympa, Adam. Ah oui, il est plus sympa, Adam. Ah oui, t'as raison, Géraldine. Géraldine, s'il te plaît. Oui, bon, d'accord. Oui, c'est vrai. Ça peut servir. Ça peut servir dans les magasins. Ça fait mal si on prend des pièces? De toute façon, vous savez, Green Down Mall, il aime pas les voleurs. Ah. Je la regarde, je remets la pièce, je me retourne, je jette la pièce en arrière et je fais un vœu. Ayez pitié de moi. Là, t'as Géraldine, une des Géraldines qui te parle et qui fait « Et alors, Joshua, t'as fait le vœu qu'on n'ait pas vu la chaussure que t'as dans le sac ?» Non, j'assume avoir volé quelque chose, j'ai fait le vœu que vous la fermiez. On avait bien raison de pas l'aimer, ce Joshua. Ouais, t'as raison, Géraldine. C'est pas parler aux femmes. C'est clair, t'as bien raison, Adam. Adam, du coup... C'est mes potes. Oui. Du coup, j'essaye de voir où est le tag du mec. Il est sur quelle face? T'as le tag qui est... Tac, par là. Par là? Ok. Voilà. Ouais, sur ce mur-là. Donc c'est un tag avec un rond jaune et un rond bleu. Attends. Bleu au milieu. Est-ce que je peux... Je vais me rapprocher de la salle d'arcade. D'accord. Et du coup, je vais faire un... Waouh ! Alors, effectivement... Ça ressemblait à ça ! Un grand waouh ! Tu vois, dans la salle, ça a l'air d'être un vacarme pas possible. Il y a des sortes de machines qu'on appelait, mais peut-être que ça existe encore, des pachinko. C'est-à-dire, c'est des sortes entre un flipper et une machine à sous. Et il y en a énormément, c'est blindé de ça, blindé de pachinko. Bah du coup, je vais rentrer, tout émerveillé. Il y a du monde à l'intérieur, il y a pas mal de gens. Du monde à l'intérieur ? Ouais, il y a pas mal de gens qui sont sur ces machines-là. Ils ont pas l'air de te remarquer, ça a l'air d'être des adultes. Et ils sont tous en train de... Tu entends du bruit, ils disent qu'il y a un gros jackpot qui peut se débloquer avec quelque chose d'énorme à la clé. Voilà, ils sont tous à fond sur les machines, ils ne remarquent pas votre présence. Je vais Je vais regarder s'il n'y a pas Dustin, parce que bah, Dustin, je le connais bien. On joue souvent de temps en temps à se faire des soirées pizza jeux vidéo avec l'autre, là. Mais du coup, Adam, il aime pas trop... Enfin, bah, tu te balades. On évite de... Voilà. Donc, j'essaie de regarder s'il y a qui que ce soit. Puis, j'essaie de regarder aussi comment ils font. Genre, c'est quoi les règles, vite fait. J'essaie de choper le truc. Ok. Adam, t'es rentré avec lui ? Bah, je le suis, ouais. Je ne suis pas tout seul. D'accord, très bien. Et bah, du coup, ouais, vous rentrez, vous inspectez un peu partout, tu comprends comment fonctionne un pachinko. Je sais pas comment ça se prononce du tout, mais on... voilà. Non, mais pachinko, si, c'est... Si, comme ça fonctionne. Ok, d'accord, très bien. Parce que moi, je connaissais pas, du coup, je suis allé chercher sur Internet ce que ça voulait dire. Il y en a énormément au Japon. Ouais. D'accord, ok. Ils kiffent ça. Bah, du coup, je vais regarder, puis je vais faire... Adam, tu m'autorises de me faire une petite partie ? T'as une pièce, au moins ? Je regarde ce qu'il faut comme argent. Des pièces vertes. Merde. Il semblerait qu'ils mettent des pièces vertes dans la machine à sous. Je cours à la fontaine. Je cours à la fontaine et je fais... C'est quelle pièce avec laquelle j'ai fait mon vœu ? Celle-là. Et je la prends, et je retourne à l'intérieur et je l'insère dans le pachinko. Ok. Le jeu commence à fonctionner. Et j'essaie de gagner le gros lot. T'essayes de gagner le gros lot. J'essaie de... D'accord. Je joue, quoi. S'il y a un gros lot, je me suis un peu renseigné, parce que du coup, j'ai pas parlé aux gens, hein, mais j'ai juste regardé, j'ai entendu parler. Ah, mais ça parle, c'est un immense vacarme dans ce magasin d'arcade et arcadouille. Et du coup, t'entends vraiment que tout le monde est en recherche du jackpot. Le jackpot, ça va être un truc énorme, énorme, énorme. Écoute, Adam, si le jackpot nous permet de retrouver Dustin, et puis si c'est un beau pactole, on sera tranquille pour aller ici. Et puis je te rappelle que, bah, vu que ça a l'air d'être un peu n'importe quoi et que je connais absolument pas la porte de sortie, on peut être coincé ici pour longtemps. Ça marche, jouons un peu. Ok. Okay. Avec Adam derrière moi, je vais me mettre là, enfin je vais me mettre devant la machine. Avec un grand sourire, bien sûr, parce que je suis en train de kiffer ma vie actuellement. Adam qui fait genre que ça intéresse pas, mais il regarde quand même, il est en mode « Allez, allez !» Et du alors, coup, je joue, Pachinko. Alors, j'imagine que sur un succès, vous allez définir les traits, l'aide éventuelle que vous vous donnez, etc. J'imagine que sur un succès, le jackpot t'apportera plutôt... disons qu'il ne te fera pas de mal. Et sur l'échec, le jackpot pourrait te faire un peu de mal. Ah, ça veut dire que dans tous les cas, je vais gagner le jackpot, mais par contre... je sais pas ce que c'est. D'accord. Ouais. Ok. Voyons voir des traits. Je suis gentil, ça compte pas. Batte de baseball, ça compte pas. Draguer à l'étranger, ça compte pas. Les paires de chaussures stylées, ça compte pas. Géraldine, c'est avec un G, hein. Si. Ouais, merci. Gérald. C'est pas et ce matin, grave. J'ai eu vraiment la réponse comme quoi je vais aller en lettres, mais ça craint. C'est vrai. Morcure, ouais. Géraldine. Non, mais je taperai tout à l'ordi, hein. C'est pas grave. Ouais, bah moi, c'est ce que je fais. Pas le choix. Alors. La couture est de. Moi, je peux, avec le fil, à la rigueur, je peux réutiliser tout le temps la même pièce, je mets le fil et comme ça, on la met dedans, on la ressort à chaque fois. Vas-y, on triche. Oh. On s'en fout, j'ai plus d'honneur. t'es trop forte. Oh, c'est trop stylé. Ok. Parce que c'est quand même un gamin, alors il a envie de jouer. Tu sais, il voit que t'as plus de pièces et puis du coup, il fait, regarde, il prend la dernière, il fait le fil. Ouais, il met dedans, comme ça, il la ressort, il peut rejouer plein de fois et à chaque fois, ça lance la partie. Ok, du coup, ça fait combien de dés ? Bon, on va rajouter un troisième pour la bonne idée. Ouais. Oh. 3d6. Allez, c'est prêt. Allez, hop, une petite prière. Tac, tac. Oh, putain. Alors, effectivement. Oh non. Jackpot. Ouais. La machine commence à balancer des bruits de partout. Elle fait de la fumée sur le dessus. Il y a des lumières qui clignotent. Tiens, on met les sacs pour que tout tombe dedans. Ouais, vous êtes tous nuls. Wow. Des gyrophares. Et puis, au fond de la salle, un rideau s'ouvre comme ça d'un seul coup. Il y a écrit un gros panneau lumineux jaune pétard avec écrit jackpot qui clignote. Et il y a trois boules. Du coup, je cache le fil. Je cache vite le fil dans ma poche en mode personne n'a vu. J'essaye de cacher. Trois boules, énormes boules en acier avec écrit jackpot en vert dessus. Un peu, voilà, qui commence à foncer dans le magasin et à rouler, qui écrase des machines devant elle et qui fonce sur vous. Elle écrase des personnes. Quand ils s'écrasent à terre, les personnes éclatent en mille morceaux. Ça semble pas être des humains. On dirait de la porcelaine qui éclate ou du plastique. Et les ouais, boules. C'est bon, on court. Fonce sur vous. Mais j'avais gagné. Vous êtes en train de courir vers la sortie et une des boules te percute le mollet, Joshua. Tu vas prendre une blessure légère avec un énorme bleu au mollet. Aïe. Alors, un bleu au mollet. Ah merde, attends. Je vais remettre le banger et le 18. Ah non, 24. Bleu au mollet. C'est bon. Les boules en fer se sont écrasées sur le devant. Vous êtes retourné dans sur la place hexagonale. Ouh, ça continue à biper à l'intérieur. Oh, j'ai mal, j'avais gagné. Mais du coup, je l'aide à marcher. Je passe le bras en dessous de son épaule et je lui dis peut-être qu'on avance et qu'on se tire vite de là, quoi. Merci. Et en disant merci, je vais expirer un peu de sueur sur ta nuque. Du coup, il prend ton propre tissu ce qu'il peut pour s'essuyer. Il est en mode pas trop quand même, pas trop proche. Du coup, il râle un peu, mais il t'aide quand même. C'est trop drôle. Pardon, mais moi ça me fait trop rire. du coup, je dis près de la fontaine. Sur peut-être de l'autre côté, ouais. Ouais. Peut-être que tu te reposes un peu. Ouais, et du coup, je prends. Je te demande le fil avec la pièce. Mmh. Et je vais faire. S'il y a des trucs comme ça qui nous agressent, je vais rejeter la pièce dans la fontaine. Sans faire de vœux, sans. Quoi que ce soit. Ouais, peut-être plus prudent. Tu jettes la pièce au niveau de la fontaine et tu vois une sorte de bras ectoplasmique un peu vert qui sort de la fontaine comme ça et qui chope la pièce. Et. Une tête qui sort comme ça, on dirait un fantôme un peu à la Casper, pas un truc qui fait peur, tu vois, mais un truc plutôt ridicule. Mmh. Bah du coup, je vais me bouger et vert. Si j'ai mal au mollet, je vais tomber. Du coup, je me retourne en mode tête. Green Down Mall n'aime pas les voleurs. Et là, cette créature commence à s'approcher de vous avec un regard un peu d'un adulte qui voudrait punir des enfants. Nya nya nya. Non mais on l'a remise la pièce, on en a utilisé qu'une seule et après je l'ai remise. Pardon. Il va falloir payer la facture un jour ou l'autre. Il s'approche vraiment très près de vous. J'ai dit, on a gagné des pièces, on vous les rend. Elles sont où? Mais du coup, elles étaient, j'avais pris une partie des pièces dans mon sac et je commence à lui donner. Ok. Je suis en mode, s'il te plaît, on a compris. T'avais pris des pièces dans ton sac. Sur un 5 ou un 6 ou pas? Parce que le jackpot, c'était juste les trois boules. Hein. Ah non. Ah, mais il n'y avait pas de pièces qui tombaient de la machine? Il n'y a pas de pièces qui sont tombées. Ah, d'accord. Bon, il me semble. Mais tu lances un des six. Si tu fais un 5 ou un 6, tu as récupéré des pièces dans Arcadouille. Allez, vas-y. Du coup, c'est un des deux 6. Si, ouais. Bon, savoir qu'est-ce que j'écris, en fait. Oh, dommage. Ah. J'en avais pas. Et bien alors, vous n'avez pas de pièce? Il va falloir payer la facture un jour ou l'autre. Du coup, je regarde Jonah, je suis en mode chaussure. Jonah. Alors d'abord, ça me fait plaisir. Pardon, merde, pardon. Joshua. Ouais, ça se ressent. C'est fait exprès. Mais il prend toujours les mêmes prénoms, c'est pour nous embrouiller. Ouais. Du coup, j'ouvre les faire vivre plus longtemps. Tenez, j'ai deux super chaussures. T'en avais pris deux, t'en avais pas qu'une? Non, bah non, j'ai pris une paire droite du coup quand j'ai eu. Ah d'accord, ok, je m'en rappelais plus. J'avais une paire de chaussures super stylax. Ah, ça c'est bien d'avoir pris des trucs à John. John est un vrai vicieux. Vous avez bien fait. Et il s'en va dans un couloir. Oh, il s'est fait plastique. Je crois que j'ai de l'extoplas sur moi. Enlève-le-moi. Voilà, il part par ce couloir là. Débrouille-toi. Et il s'en va par ce couloir. Je me touche le visage et je fais. Je me touche mon corps et je fais. Ah non, c'est bon. Du coup, j'enlève la paire de chaussures super stylées. Le tag servait peut-être à se repérer, peut-être en prenant d'autres chemins, essayer de voir s'il y en a pas d'autres sur les murs. En tout cas, il nous faut avancer. Quel côté, à ton avis? Soit on suit l'ectoplasme, attends, soit on prend des autres chemins. Les cartes de vœux? Voilà, si tu veux y faire un tour, oui. Bah, ça pourrait être intéressant. Peut-être que ce sera pas un jackpot, mais si on peut trouver des cartes qui peuvent un peu plus nous indiquer l'histoire du l'histoire de là où on est, ça peut peut-être nous aider. Quand vous approchez du magasin avec les cartes de vœux, vous voyez sur le tourniquet qui est en devanture du magasin avec plusieurs cartes de vœux, toutes ont le même message, enfin à peu près le même message en fait, c'est « Je veille sur toi, Adam, je veille sur toi, Joshua, je veille sur toi, Dustin, etc. » Il y a plein de cartes de vœux, mais avec vos prénoms et le prénom de votre ami. Et il y en a même une avec le prénom de John que vous avez rencontré tout à l'heure. « Je veille sur toi, John. » Et avec des images, pareil, dans des tons de vert. Et il y a genre y a un prénom à chaque fois pour chaque carte, ou il y a plein de cartes qui sont pareilles? Genre « Je veille sur toi. » Il y a plusieurs cartes avec « Je veille sur toi, Adam. » »,« Je veille sur toi, Joshua. » »,« Je veille sur toi, ouais. » Mais il y a d'autres prénoms ou pas? Ouais, il y en a d'autres, ouais. « Je veille sur toi, Bertrand. » Je veille sur toi, Guillaume. Je prends celle de Dustin. Tu prends celle de Dustin? Je la retourne et je fais... ouais, avec Dustin, et je fais... Enfin, j'espère que tu vas bien. Et je dis, c'est vrai que je veille sur toi aussi, Dustin. Ok. Et ça fait quoi? Non, il se passe pas grand-chose. Non. C'est une carte des plus normales, sauf qu'il y a écrit Dustin. Je veille sur toi, Dustin. J'ai un petit paysage verdoyant d'un fjord écossais. Ok. Du coup, je lui donne une petite tape à l'épaule et je lui dis on va le retrouver en lui faisant signe. Vas-y, on continue. T'es sûr? Attends, je vais rentrer et je vais chercher s'il y a un vendeur. Alors, à l'intérieur, quand tu rentres, il y a des cartes de vœux partout et même principe, il y a écrit je veille sur toi, machin, je veille sur toi, truc. Et tu vois un mannequin en plastique qui se prend un peu pour un présentoir, c'est-à-dire qu'il a des... Il a les mains un peu en forme de présentoir et il tient des cartes dans chacune de ses mains, des cartes de vœux. Il fait « Bonjour, chers visiteurs. Voulez-vous acheter une carte de vœux pour veiller sur vos amis ?» Wow. Du coup, j'approche. Adam. Du coup, je demande comment... Oui, bon, après les chaussures. Désolé, Gérald. Du coup, je me penche vers lui et je lui dis « Mais de quelle façon peuvent-elles veiller sur nos amis ?» C'est très simple. Il suffit de l'écrire. Et tu vois qu'il essaye de faire des petits clignements de yeux pour te faire du charme, mais comme il n'a pas de cils, ça marche pas. C'est très drôle. Ça coûte quoi, une carte ? Qu'est-ce que vous avez à proposer ? J'ai des dollars. Là, je vais prendre mon sac, je vais sortir et je vais prendre deux billets de 5 dollars un peu frichonnés. Il en faudrait 3. Putain, je sais pas si j'en ai un troisième. Je vais regarder partout dans mon sac. Du coup, je farfouille et... C'est vrai, j'aurais dû marquer l'argent dans le sac pour pas que ce soit une quantité illimitée. Putain. Mais... Bah après, moi, j'ai pris que 20 dollars. Mais après, le reste, je crois que c'est un peu plus... Bon, du coup, si j'ai 5 dollars, ouais. Du coup, je... Ouais, t'as 5 dollars. Bon, bah du coup, on vous la prend. Allez, on peut déterminer combien t'as de dollars en tout, Adam. Ok, moi il me reste 10 dollars. Toi il te reste 10 dollars? J'ai déjà dépensé 25 ouais, en tout. Billet 10. Ouais, tu peux te le noter quelque part sur la fiche de perso, de toute façon c'est pas dans le sac à dos quoi. Yep. Bah elle est là-bas, à côté du nom marchand. Yep. Du coup, t'as 10 dollars? Ouais, combien t'en as sur toi? Il t'en reste 15. Ouais. Adam, il t'en reste 15. Famille, c'est assez sympa. Et de la tunasse. Moi, je dépense tout. Très bien, mais... Du coup, je rajoute le dollar manquant. Mettez-les-moi dans la bouche, s'il vous plaît. Mes mains sont prises. Et il ouvre la bouche. Oh, je vais le faire. Je vais le faire. On n'a pas un truc pour tenir ça? J'avance. Petit à petit. Je fais Adam, sauve-moi. Adam, je vais lui mettre dans la bouche, là. Du coup, j'essaye d'attraper deux stylos sur le comptoir et de faire comme des baguettes chinoises avec. Ok. Pour les tenir. Très bien, très bien. Du coup, je prends les bâtons et je fais... Il récupère les billets, il les avale et il fait... Vous pouvez prendre deux cartes. Veillez sur deux personnes, n'est-ce pas incroyable? Si, si. Si, c'est l'aime. Merci beaucoup. Du coup, on va prendre une carte pour Dustin. Ouais. Mais tu viens de t'en servir pour la mettre dans la bouche. Je suppose qu'on a bien des stylos. C'est vrai, je vous en prends pas un stylo. Ça fera 25 dollars. Hein? Sale chien. Pardon. Je repose le stylo et je fais... Ah, je suis sûr que je dois avoir un petit stylo dans mon sac. Bon. Je ne suis pas un chien, je suis un présentoir. Oui, le présentoir. Et vous êtes d'ailleurs très propre. Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Ça me fait plaisir. On va y aller. Et du coup, je vais dire à Adam que du coup, je prends les cartes et puis... Puis que je vais les signer à l'intérieur du coup pour simplement pour pouvoir lui rendre après son stylo à ce beau mannequin. Et du coup je prends une carte Dustin et une carte Adam. Je dis à Adam que c'est bon, t'inquiète, je vais gérer. Je lui dis tiens bah attends, j'arrive. Je vais prendre son stylo à l'intérieur, du coup pour éviter de devoir lui acheter. Je vais prendre une carte Dustin et Adam. Et pour Dustin, je vais écrire pour veiller sur toi, il faut que tu sois toujours près de moi. Ouais. Et pour Adam, je vais faire pour veiller sur toi, il faut d'abord que tu. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? Je vais écrire. Là, tu vois légèrement paniquer autour de moi. Quoi ? Quoi? Avec le style. Tu sais, je mets ma main sur le comptoir et je mets ma tête dans ma main et je suis pas fort pour écrire. Et du coup, j'écris du coup pour que Adam, pour que je veille sur Adam, il faut toujours que je sache où est-ce qu'il est. Il faut toujours qu'il soit près de moi. Et du coup, je vais prendre les deux cartes et je vais les mettre dans mon sac. Ça marche. Note-le dans ton équipement. Ouais. Tu as deux cartes de vœux. Deux cartes. Et du coup, je dis. C'est bon, j'ai fini, je repose le truc, je fais « Merci, monsieur le présentoir. » Ah, vous auriez pu me l'acheter. Non. Et je repars. Eh bien, tant pis. Au revoir. Au revoir, bonne journée, le présentoir. Et du coup, je dis à Adam « Non, c'est bon, je me suis occupé de la carte de vœux. Let's go. » D'accord. Qu'on aille retrouver Dustin. Quel chemin? Par là? Je n'en ai aucune idée. Parce que ici, il y a le blob. Ah non, bon, non. Non, non, il sent le plastique. Ouais, c'est marche. Irritable, au possible. Vas-y, on va par là. On prend ce corridor. Ça marche. Moi, je vais me reposer dans ce corridor, je vais me reposer un peu. Ouais. Je vais. Je me pose 10 minutes, je me masse un peu le mollet. Mm. Je me mets un peu, je te demande un peu de ta cire de cheveux pour faire une petite huile de massage. Et. Parce que du coup, c'est ma mère qui m'a appris ça pour faire des économies. Ouais, du c'est coup. Très pratique. Ça fait de la cire à cheveux. En fait. Ouais, c'est super pratique, t'inquiète. Et du coup, voilà. Alors, tac. Je suis prête et pendant qu'il se soigne, je me remets mes cheveux en place. Ça marche. Des petites vagues. Un peu de cire, hein, je le fais pas. Hein. Ouais, c'est ouais. Juste pour pouvoir me masser, tu vois, je la fais chauffer dans mes mains. Yep, ça marche. Très bien, tu peux t'effacer ta petite blessure. Et pendant que vous êtes en train de vous reposer, vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous. Il ressemble un peu au présentoir que vous avez vu, c'est-à-dire que c'est ça ressemble à un mannequin de magasin, mais il a une allure un peu plus déjà il marche, contrairement à l'autre qui se prenait pour un présentoir. Donc là c'est juste un mannequin qui marche vers nous. Il marche vers vous, il a un léger sourire. Et ben je vais prendre ma batte de baseball et je fais n'approchez pas. Et bien alors monsieur, calmez-vous. Je fais partie des mannequins libres. Nous sommes comme vous, un brin plastique, mais aussi beaucoup d'humain et d'humanisme. Mmh. Tout à fait. Pardon, quoi? Attends, excusez-moi, j'ai bugué. Vous ne connaissez pas les mannequins libres? Désolé, on est nouveau, mais je peux comprendre le mouvement. Putain, donc t'es trop fort, mais pourquoi tu parles jamais comme ça au bahut? Tu trouves beaucoup de potes? Écoutez, je m'appelle Bertrand. Je m'appelle Bertrand et... Et avec mes amis mannequins, on essaye de se libérer un peu du contrôle du centre. Vous savez, pour nous c'est important, nous avons une conscience et nous ne voulons Nous ne voulons plus obéir au centre qui nous oblige à porter des vêtements qu'on n'a pas envie de porter. C'est pourquoi nous cherchons la liberté à sortir de cet endroit maudit. Et vous, ouais, que faites-vous ici? C'est très beau. Nous, quelque chose... on a un but commun, finalement. On voudrait sortir également. Vous voulez sortir? Pourquoi pas s'entraider? Oui, mais pour ça, il faut d'abord qu'on trouve notre ami. Jamais sans lui. Ouais, voilà. Comment s'appelle votre ami? Dustin. Je range ma batte, je la mets dans mon sac. Un gringalet, très souriant. Très souriant. Mais je crois que j'ai croisé Dustin. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques heures. Pas très loin. Il me disait qu'il cherchait une barbe. Oui, c'est bien ça. Une barbe. Vous savez pourquoi faire? Pas la moindre idée. Pas vraiment, mais... Une barbe? Il cherchait une barbe. Bah, je lui ai dit hein, qu'à trois pâtés de ça, il y avait 20 magasins de barbiers. Alors, je sais pas si ça fonctionnera, mais peut-être qu'ils vendent des barbes chez le barbier. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Vous m'aidez à sortir du centre? Avec mes amis? Où vous êtes avec vos amis? Oh, mais pas très loin non plus. Hein. Aidez-nous 4, à 5, trouver notre ami et on sortira ensemble. Est-ce que ça vous dit si on... Est-ce que ça vous dit qu'on se retrouve ici dès que... moi, j'ai parlé à mes collègues mannequins libres, et puis vous avez retrouvé votre ami, et puis tous ensemble, on défonce ce centre. Attendez, comment ça, défoncer ? Ah, bah, vous inquiétez pas, hein. On touche pas aux objets. Hein. Les objets, c'est important. Les objets, vous savez, la plupart sont des humains. Au fond d'eux-mêmes, bien sûr. Pas en apparence, mais ce qui compte... C'est pas l'apparence. Je comprends. Ah ouais, t'arrives à comprendre ça, toi? Oui, on le comprend. Oui, pardon, on comprend. Je n'en doute pas. Mais comment... Savez-vous... Vous savez comment sortir d'ici? J'ai ma petite idée, on a notre petite idée. Le problème, c'est que... C'est le centre qui nous a créés, et du coup... il veut pas nous laisser sortir. Ça paraît logique. Mais il paraît qu'il y a un endroit... Le cœur du centre. Si on arrive à atteindre le cœur du centre, on pourrait peut-être négocier avec lui. Je vois. Et bah... On va essayer de trouver notre ami et on se rejoindra forcément. Très bien. Où sont... On se retrouve ici. Oui, on se retrouve ici, monsieur le mannequin. Est-ce que vous avez... Ah, Bertrand, c'est ça? Bertrand, c'est moi. C'est Bertrand. Eh bah écoutez, oui, on se retrouvera ici. Mais d'abord, nous allons chercher notre ami. Très bien. Alors, le barbier, si mes souvenirs sont bons, vous arrivez sur la prochaine place. Vous prenez à gauche, vous avancez deux couloirs. Vous prenez à droite, encore un couloir. À gauche, puis à droite, encore à droite. Non, je sais... Oh là là. Attendez, j'ai mieux. À chaque fois, vous prenez à droite. Ah. Ouais. C'est comme les labyrinthes. Vous êtes sûr qu'on arrivera au barbier? Ah, j'en suis certain. On trouve toujours le barbier. Le centre est fait comme ça. Ce que vous cherchez, vous le trouvez. Surtout si c'est pour acheter. Je vois. Vous avez de la monnaie sur vous? Il fouille dans sa poche. Il a un pantalon qu'il a gardé sur lui. Il a choisi ses vêtements, vous dit-il. Et il récupère trois pièces vertes. Il vous dit... Si le centre me voyait faire ça, je serais déjà mort. Tenez, prenez vite. Merci. Trois pièces vertes, vous les prenez? Ouais, on les prend. Moi j'ai une idée. Ben, notez-les. Je t'en parle, Adam. Bah vas-y, prends-les. T'as l'air plus amical que moi, pour le coup. Et pendant que vous avez des idées, je génère. Ouais, bah du coup, moi je me disais... C'est pas amical, c'est de la réflexion. Il faut exploiter. Excuse-moi. Mais du coup, je me disais... La fontaine, c'est bien une fontaine à vœux. Moi, ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'était impossible. Mais si c'est pour acheter, ça veut dire que peut-être elle nous écoute. Et donc, on pourrait immédiatement se retrouver face au barbier. Oui. Mais s'il demande d'où viennent les pièces. Ouais, c'est vrai qu'on le mettrait dans la merde. Si on veut repartir, c'est mieux si on... Bah, nous aussi, il va penser qu'on les a volées. Bah, on peut les avoir gagnées. Il n'aime pas qu'on vole, mais on est là pour consommer, non? C'est vrai. Bon, je te suis alors. Bon, du coup, on va dans le chemin, on rebroche chemin, on va là où il y a le... On explique au mannequin d'abord pourquoi on rebrouille chemin. Ok. Est-ce qu'il est une bonne idée ou... Alors, vas-y, réexplique, pardon. Alors, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est aller à la fontaine et faire le vœu, en fait, de consommer, d'acheter une barbe. Donc, du coup, pour, je suppose, vu qu'elle nous écoute, la fontaine, vu que j'ai vu ce truc-là, enfin, le truc sortir, là, fait peur. Je me suis dit, ça me paraîtrait pas, ça me paraîtrait normal que si on veut consommer, le centre c'est toujours ce qu'on veut. Et bah du coup, vouloir une barbe, il va nous amener chez le barbier en jetant une pièce à l'intérieur de la fontaine. Ok, ok. Et Est-ce que le mannequin ça lui paraît logique ou le mannequin essaye de suivre ton raisonnement. Il se gratte la tête. Ah oui, c'est vrai que lui il connaît pas ce. Ouais. Et il te dit. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour la liberté. Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, vous allez très bien vous intégrer dans le monde des humains. Ne vous en faites pas. Ah, tu vois, son grand sourire, il a l'air ravi. Merde. Bon, au cas où, de toute façon, j'ai toujours besoin d'être chez moi. Allez, hop, on y va. Très bien, vous revenez à la fontaine. Tu fais ce que tu voulais faire, du coup. Je me retourne, je jette une pièce. Et Adam et moi, en même temps, on fait un... On veut acheter une barbe. On veut des barbes. Ok. Se tombe dans l'eau. Ok, ok. Au départ, vous êtes là, il y a comme dans les mangas, tu sais, un petit oiseau avec des petits poings qui passe derrière vous. Pas très bien. Voilà. Et puis, puis tout à coup, au sol, tu aperçois des petites traces lumineuses qui te réindiquent le chemin par lequel vous êtes venu. Et ben, je me retourne et je fais avec un mois à la fontaine et je fais merci. Et du coup, on repasse devant Bertrand et je le salue avec un grand sourire. Je fais « Merci !» Et après, on repart. Alors c'est pas des cartes de vœux, hein, j'ai fait un copier-coller. Ah, d'un coup, je me suis dit « Merde, on va être emprisonné !» J'en ai acheté une, ça y est, elles veulent toutes... Oh, merde. Comme les pubs sur Internet, tu vois, un truc. Ouais, maintenant, c'est cookie. Alors, vous arrivez sur la place, vous voyez deux couloirs et un fast-food. Un magasin de savon et de parfum, ainsi qu'un magasin d'animaux domestiques. Ok. Et la trace lumineuse semble partir vers là, comme ça. Quand vous arrivez sur la place est un peu différente d'autres. Il n'y a plus de damiers. Tout est en nuance de gris, plutôt, au niveau de la place. Et au milieu de la place, il y a un trou béant. Un immense trou. Mais un immense trou. Un trou comme. Quoi, Et si vous yeutez, vous avez l'impression de voir. Comment dire. Je sais pas moi. À peu près 3-4 mètres en dessous. Enfin, assez haut pour pas pouvoir sauter en tout cas. Donc bien 4. Ouais, 4-5 mètres. Comme un sous-sol, un parking. Un parking de supermarché. Et vous voyez quelques voitures, des gros colonnes, piliers en béton, des choses comme ça en dessous de vous en fait. Avec un immense trou comme ça au centre de l'hexagone. Mm-hmm. Du coup, les trélus. Est-ce qu'il y avait un autre monde ou... Parce que du coup, les voitures, elles sont comment? Elles ressemblent à des voitures des années 80. Ah merde. Et du coup, quand je regarde. Vous avez l'impression d'être dans un film de Starkey Hutch, tu vois. Ouais. Trop beau. Et du coup, justement, c'est super. Enfin, du moins, mon ventre fait un. Oh là là, c'est combien de temps qu'on est là? Ah, je commence à avoir faim. Et là, je regarde et je vois le fast-food. Et... On peut y aller ou... Il me reste... Ça peut être risqué, mais c'est pas les quelques barres de céréales qu'on a qui vont nous nourrir. Et puis, ouais, carrément. Ah, j'ai trop faim en plus. C'est quoi le nom du fast-food? Le chicken burger. Chicken burger? Ouais. Oh, ça donne faim en plus. Ah, j'arrive pas à trouver la carte. Bon, on va rentrer. Quand vous arrivez et que vous rentrez dans le fast-food, le chicken burger, vous remarquez que qu'il n'y a pas de clients aux tables. Mais par contre, la cuisine du restaurant a l'air de fonctionner toute seule. Elle produit de la nourriture de manière automatisée, un peu comme une usine, très très vite. C'est-à-dire, vous voyez sur des tapis roulants les burgers arriver et les burgers qui commencent à s'empiler de plus en plus. Et il y a une personne en costume, avec un costume de burger, qui vous regarde et qui vous fait « Mangez-moi, s'il vous plaît, mangez-moi, mangez-moi !» J'ai plus si faim. J'ai plus trop faim, là. T'es un burger? Oui, j'ai un burger, mangez-moi s'il vous plaît. Attends, les burgers se sont assemblés en une personne? Non, c'est une personne avec un déguisement de burger, comme tu sais, les pubs vivantes. Ah oui, d'accord. Un homme sandwich. Un homme sandwich, voilà. Clairement. Mais on peut pas manger l'homme sandwich. Mais bah, pourquoi coup, vous voulez pas me manger? Regardez, j'ai l'air... Enfin, je sais pas, j'ai l'air comestible, attrayant, délicieux. Non, je veux manger un burger, pas un humain. Mais je suis pas un humain, je suis un burger. Je le touche. On est végétarien. Oh non, des végétariens. Oh, oh. Commence à pleurer un peu. Bah bravo, tu fais pleurer un homme maintenant. Un burger. Super. Oui, pardon, un burger. Mais vous... Comment dire? Vous avez des plats végés? Chier, j'avais envie de bouffer de la viande. Des plats végés... plats végés... et vous voyez qu'il commence à se diriger vers la cuisine et à sortir les tonnes de burgers qu'il y a et... Les burgers tombent à vos pieds. Et petit à petit, vous voyez l'usine à burgers qui commence à s'emballer toute seule et tout, qui en produit de plus en plus. Et l'homme avec les burgers qui commence à les jeter derrière vous, à vos pieds, et ça commence à monter. Vous avez des burgers jusqu'aux genoux et ça monte assez vite. Ok, bah du coup, j'en prends et je fais merci beaucoup, on y va. Pareil, du coup, on prend des burgers et on essaye de fuir. Et le burger végie Vous savez... On a plus faim. Bref, bouge. Vous sortez avec... Vous sortez avec un burger, quand même. Joshua. Oui, on a faim. Joshua et Adam. Ok. Ouais, on a faim. Très bien. Du coup, on verra avec nos burgers. Vous voyez comment c'est que le chicken burger commence sur les vitres extérieures. Hein. Vous êtes sorti du chicken burger. Il commence à y avoir des burgers partout. Je te propose qu'on aille tout de suite vers le suivre la lumière. Ouais, du coup, on court en mangeant les burgers. Oui. Ok, très bien. Et du coup, voilà. Ouais, vous êtes dans... Ah non, ça va, merci. Mais vous savez que je suis bien collant. Ouais. Vous avancez dans le corridor. Il fait assez sombre. Dans le couloir, il y a juste des petits néons à certains endroits, mais pareil, qui clignotent. Et quand vous traversez le corridor, sur les côtés, vous voyez des sortes d'anciens magasins qui ont été murés. Vous avancez, le corridor est assez long. Et bientôt, vous tombez sur un nouveau graffiti. Un graffiti qui est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire un cercle jaune avec un cercle bleu au milieu. Et juste en dessous, une bombe. Et en regardant de plus près, vous voyez que c'est la peinture est assez fraîche, très récente. Peut-être que la personne vient de s'enfuir à l'instant, en fait. Vite, je commence à courir. Ok. Je vais remettre Groovy, Play. Vous courez, vous avancez droit devant vous. J'attrape la bombe avant de courir et je le suis, du coup, à quelques mètres derrière, le temps d'attraper la bombe. Tu prends la bombe avec toi? Ouais, je vais annoter. Ah, faut que je vire un truc pour ça. Bon bah je laisse la bombe. Si, les barres céréales. On va bouffer ici. Bah oui, du coup on a bouffé un burger. Et puis moi j'en ai. J'ai quelques snacks. Des snacks. Quelques snacks. Yep. Du coup je mets la bombe de peinture. Alors. Non, je vais pas faire ça. Hop. Tac. Hop. Bon désolé, hein, je dessine. Non, t'inquiète. Y a pas de problème. Je dessine vite fait. Hop. Oula, Barbie fleurie. Ça commence à être joli ce centre commercial. Je dézoome, je regarde un peu. L'architecte a fait ça qui est en train de pleurer. Ça passe au-dessus, ça passe en dessous, je comprends pas. Mais pourquoi j'ai fait des corridors? Pourquoi j'ai juste pas fait un centre? Pourquoi j'ai fumé un joint avant de le faire? Tu sais, le lendemain, il regarde le plan. Non! J'aurais tellement pas dû me mettre mal. Et donc, vous arrivez là. Alors, je cherche. Voilà, très bien. Ouais, vous arrivez là et vous voyez au centre de l'hexagone, de la place, elle est de nouveau grise comme la précédente, en nuance de gris. Et au centre, il y a une sorte de voiture miniature en plastique blanche qui est éblouissante. Quand vous arrivez sur la place, c'est la première chose qui vous frappe et qui vous fait presque mal aux yeux. C'est cette voiture miniature qui est en plein milieu avec un cercle autour d'elle comme sur un podium. Et dessus, il y a un mannequin féminin en exposition qui est aussi grande que le véhicule, qui est en petite tenue, hein, en sous-vêtements, et qui se trouve sur la voiture, mais il y a quelque chose d'assez ridicule et étrange dans le sens où ce mannequin est aussi grand que le véhicule. Vous voyez deux magasins sur les côtés, un magasin de sports d'hiver, snowboard, planche de ski, etc. Et de l'autre côté, Barbie Fleury, le coiffeur de toutes les barbes, qui se trouve de l'autre côté, et trois couloirs en face de vous. Trois corridors. Voilà. Que faites-vous ? Eh ben... déjà, je vais m'approcher de la voiture, je vais faire « Ah, regarde, non, elle est petite, la voiture, mais c'est pas cohérent. » C'est pas cohérent. J'aurais pas dû mettre gentil. Mon trait de caractère, il est gentil mais naïf. Il est gentil et naïf. Il est vraiment con. Ouais, c'est plus de la naïveté, il veut pas être méchant, mais il dit des conneries sans le vouloir. Ouais. Du coup, j'arrive et je fais « Ah, c'est drôle quand même. » Est-ce que tu penses que le mannequin, il bouge cette fois-ci ? Tu vois que le mannequin te regarde. Ok. Hoche la tête. Qu'est-ce qu'il y a de pas cohérent ? Elle semble assez vexée par ce que tu viens de lui dire, quand même. Oh, non, pardon. Non, excusez-moi. Attends, je vais pouvoir régler ça, je pense. Je me frotte les mains. Excusez-moi, mademoiselle. Et là, je prends mon livre. C'est « Draguer à l'étranger ». Techniquement, je sais pas du tout où je suis. Ok. Je commence à lui dire. Ce n'est pas. Mais alors, qui alors ? Ce n'est pas cohérent, c'est votre beauté dans cet endroit. Exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'un mannequin comme vous fait là ? Et tu sais, je m'approche et comme... Alors, c'est une petite voiture, tu m'as dit. Hein. Ouais, elle est aussi grande que le mannequin. Enfin, non, elle est. Mais du coup, la voiture, c'est quoi ? C'est genre la taille de ma chaussure ou c'est genre. Non, plutôt, imagine. Imagine une personne que tu vas allonger et ça fait la voiture, tu vois. Ah, et elle aussi. Comme elle, les enfants dans les fêtes foraines. Et elle était. Le mannequin, elle était allongée sur cette voiture, un peu comme sur les voitures d'exposition. Et du coup, je lui fais excusez-moi, mi amore, je ne suis pas d'ici. Quand je dis que ce n'est pas cohérent, c'est que vous n'êtes pas cohérente ici. Vous devriez être exposé avec un millier de robes et de voitures. Votre beauté devrait être affichée partout dans le magasin. Bref. Ouais. Ça fait presque mouche, mais je vais te proposer un jet de dés. Si tu réussis à apaiser le courroux que tu lui as lancé, tant mieux, c'est que tu réussis ton coup parce que tu l'as bien fait. Sinon, il y a son mec qui sort d'un couloir qui me fait « Oh, tu fais quoi ?» Ok, alors pas son mec, mais son Mac. Oh, son Mac. très bien, ça me va. Ça me va. Alors, par contre, tu as fait un très bon RP, donc je te propose un plus 1 en bonus. Oh, t'es une crème d'amour, mais je suis dans la merde. Bah, du coup, j'ai plus 3. Et après, avec tes traits, et peut-être si Adam veut t'aider derrière, si t'as des traits... Bah après, je sais pas comment il peut m'aider. Hein. Techniquement, c'est juste moi qui est en mode. Pour aider, je lui propose de lui créer les plus belles robes. Oh. Je lui fais mon ami juste ici peut créer les plus belles robes afin de raviver votre charme. Afin d'embellir encore plus votre beauté. Ok, donc tu mets en avant tes compétences de couturier. Ça marche. Hein, et donc ça rajoute un plus 1, donc t'es à 4 pistes maximum. Coûte dans les côtes qui part en même temps qui parle de couture. C'est le maximum que tu peux faire. 4d6. Tu peux y arriver. Enfin, si t'y arrives pas, je t'abandonne. C'est bon, j'y arrive. Elle vous regarde et elle semble effectivement sensible à vos arguments. À tous deux. J'ai cru que vous moquiez de moi. Ah non, pas du tout, absolument pas. Comment d'où venez-vous ? Oh, Je ne vous ai jamais vu par ici. Ah, justement. Vous êtes drôle en plus. Je sais, merci. Est-ce que vous avez vu un jeune homme qui ressemble, qui est assez mince, un peu grand, souriant, brun, qui cherchait une barbe ou qui allait peut-être vers le barbifleuri. Oui. Moi, de toute façon, mon rôle, c'est d'être ici, donc avec cette magnifique voiture. Vous voulez l'acheter d'ailleurs ? C'est une magnifique beauté. Ah, vous êtes gentil. Ah, vraiment, je vous apprécie de plus en plus. Bah justement, j'étais là, comme ça, sur ma voiture, en train d'admirer le paysage. Et j'ai vu un jeune homme. Il est rentré chez Barbie Fleury. Et il y a de ça longtemps ou il vient juste de rentrer ? Ouais, je dirais il y a 2 heures. Il est ressorti aussi de chez Barbie Fleury. Il est allé où ? Il était pas content quand il est ressorti de chez Barbie Fleury. Hein. Ça, je peux vous le dire. Il avait pas de barbe ? Il faisait la tête. Et puis en plus, il avait un gros cocard. Ouais, il était pas bien du tout. Hein. Mais du coup, il est parti par où ? Il est allé chez Sport d'Hiver. Et après, il est ressorti ? Ouais, il était content. Ah. Et il avait toujours son cocard, par contre. D'accord. Mais, et après, mais il était content. Et donc, après, il est allé chez Barbie Fleury. Non, il est pas allé chez Barbie Fleury. Où c'est qu'il est allé après ? Ah, mais dans le couloir, là. Elle vous montre le couloir du milieu entre les deux, entre les deux autres. Et pour être sûr, il n'est pas revenu. Est-ce qu'il est revenu ? Non, je l'ai pas vu revenir en tout cas. Waouh. Merci beaucoup. Tu es magnifique. Oh, c'est gentil. Vous êtes tous les deux très mignons. Hein. Merci, c'est vous. Nous allons nous diriger vers Barbie Fleury. Oh, je parlerai de vous à Cynthia. À qui ? Cynthia. C'est votre prénom ? Non, mais je parlerai de vous à Cynthia. C'est qui, Cynthia ? Moi, c'est Joséphine. Ben, Joséphine, c'est qui, Cynthia ? Peut-être que... Cynthia, si vous voulez, c'est la maîtresse des présentations de voitures. La grande prêtresse des voitures de sport. Oh, d'accord. Ouais. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Mais je parlerai de vous. Mais surtout, on devrait parler de vous, étant donné que vous êtes magnifique. Si elle pouvait rougir, elle rougirait. Très bien. Et ben, du coup, je le prends par le bras, je lui tire un peu la manche en mode « Allez, on y va, là !» Oui, pardon. Moi, je pensais... Tu veux pas qu'on sache ce qui lui est arrivé ? S'il s'est fait frapper, on risque de se faire frapper. Donc, autant c'est plutôt essayer de se dépêcher de le retrouver, plutôt, non ? Ouais, si ça fait 2 heures... Ouais, on a peut-être une chance de le rattraper, t'as raison. Passer dans le couloir du milieu ? Ouais. Ok. Vous arrivez dans le corridor. Cette fois-ci, il semblerait que la lumière soit en panne. Il fait extrêmement noir à l'intérieur. J'imagine, Joshua, que tu as ta lampe torche. Et donc, du coup, vous n'avez que la lampe torche pour vous éclairer. Attends, parce que Adam a son téléphone. Ah, et le téléphone aussi, oui, alors peut-être. Ouais. Moi, je l'ai pas pris. Adam et Toby, il y avait pas pensé, il utilise son téléphone. Oui, bah, j'ai préféré prendre ma batte de baseball, excuse-moi. En mode lampe torche. Et du coup, vous avancez dans ce corridor. Il y a des gouttes qui suintent un peu du plafond. Et ça sent un peu une odeur d'humidité. Voilà, il y a une forte odeur d'humidité, pas de lumière, et vous avancez comme ça. Vous voyez au loin peut-être un peu de lumière, enfin vous voyez de la lumière, peut-être une prochaine place hexagonale comme vous avez pu en voir récemment dans ce supermarché étrange. Et dans cette lumière, vous voyez une silhouette qui se dessine, une silhouette avec une bombe à la main, et qui est figée dans votre direction, qui vous regarde. Vous approchez un peu plus et vous apercevez le visage d'un jeune garçon qui doit avoir à peu près votre âge, qui vous regarde avec un air assez, très sérieux, très... J'aime trop cette illustration. Ouais, elle est jolie, ouais. Un peu dans le style... Qu'est-ce que vous faites là ? Genre, vous passerez pas ou quoi ? Enfin, il est bien en plein milieu, bien planqué sur ses appuis, tu vois, avec la bombe à la main, et il vous regarde, et vous arrivez, et on va arrêter là pour ce soir.